le but de cette finale. C'est fini. C'est fini, Loulou Nicolas. Montpellier, René Girard, il se groupe magnifique. Ils sont champions de France. On est les champions, putain! On est les champions! Bonsoir à tous et bienvenue sur Sport & Chill, un plaisir de vous retrouver comme d'habitude. C'est l'épisode 17 ce soir de notre saison 3 de Sport & Chill. Et ce soir, nous allons parler donc un petit point un peu plus corsé que d'habitude, on va dire, sur la Ligue 1. On n'en parle pas assez souvent dernièrement, donc un petit point sur le championnat de France, le point également sur le dernier carré de l'Australian Open, les championnats d'Europe de hand également, et la fin du Dakar, du Paris-Dakar. Le bilan montpelliérain ce week-end, c'est 4 victoires, 0 match nul et 3 défaites, donc un bilan mitigé mais plutôt positif du coup. À peine. Et le débat, ça sera sur le dopage, notamment ses conséquences, les sanctions qu'il y a aux personnes qui se dopent dans le sport, tout simplement. Et bon, pour ce soir, on a la crème de la crème, hein, puisque à ma gauche, bon, je commence déjà avec Guillaume qui est là, bon, depuis le meilleur, qui est là, ouais, depuis le début de 2018. C'est ouais, Guillaume. Ouais, déjà, ça nous fait pas mal de temps déjà. On a Monsieur Rayo Vallecano à côté. Et le retour vous de manqué. Le retour de Romain. Rayo, s'il te plaît. le retour de Romain à Sport & Chill. Lui aussi, des premiers. Valladolid, mais c'est aussi surtout Real Madrid. Hein. C'est oui, les Romains. Surtout Real Madrid. Et là, alors moi, je viens avec un petit sourire, mec. Un très beau t-shirt. On verra dans quelques semaines. Et en tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver. Avec un très beau t-shirt. On va se régaler. Exactement. Surtout. Au fond, on a Monsieur Kobe Bryant, Monsieur NBA aussi. Salut Thibaut. Moi aussi. Hein. Ça va ? Ça va, ça va. Super. À ma droite encore, on a Monsieur Franck Caissier. Monsieur AC Milan. Salut Yacine. Salut à tous et bonne année au passage. Et enfin, dernièrement, on a Monsieur Federer, forcément. Avec Gasquet aussi. Dès qu'il y a l'Australian Open, c'est le retour de Vincent. Salut. Salut, bonne année à tous. Ouais, on peut encore le dire. Ouais, ils sont là. À savoir que le 22 janvier, on mange encore de la galette, nous. Donc voilà, ça c'est dit. Jusqu'au 30, ça sort. Hein. Allez, on va commencer tout de suite sur Sport & Chill. Sport & Chill, tous les lundis de 19 à 21h sur Radio Campus Montpellier. Je me sens terriblement déçu d'avoir confondu Rayo Vallecano et Valladolid. Je suis désolé. Bon, à part ceux qui sont là-bas, bon, à la vie, il y a du Rayo, quoi, mais c'est tout. Ouais. Mais ils sont nombreux à nous écouter là-bas. J'espère. Je ne rends pas compte. Je crois pas trop, mais j'espère. Donc, on va commencer tout de suite avec le football, avec le championnat que Yacine aime le plus, hein, la Bundesliga. J'adore ce championnat. Avec défaite de Leipzig à Fribourg 2-1, le Bayern qui gagne 4-2 contre Brême et Schalke qui fait 1 partout contre Hanovre. À savoir que donc il y a que le Bayern qui confirme en Bundesliga et les outsiders n'arrivent jamais à confirmer. Ce qui fait qu'au classement, le Bayern a 16 points d'avance sur le deuxième. Et le deuxième, ça se partage entre qui a 30, donc 31 points. Le deuxième, donc Leverkusen, Schalke, Leipzig, Mönchengladbach. Les 4 à 31 points. Et deux équipes à 30 points, Dortmund et Francfort. Voilà. Le problème, ouais, de championnat à suspense. Hein. Bah pour la deuxième, troisième place. Pour l'Europe, oui. Ouais. Après, pour le titre, oui, forcément. Moi, j'y crois encore. Ouais, plus ou moins. Vous n'avez pas à réagir sur la Bundesliga, je pense que c'est... Mais Leipzig qui tombe, c'est une petite surprise déjà. Ouais, face à... Ouais, dans les outsiders, c'était une des plus convaincantes ces derniers temps quand même. Donc c'est une petite surprise. Après, c'est vrai que dans ce lot-là, après voir quel deuxième, ça va être compliqué. Hein. C'est sûr qu'en le premier, on l'a, mais les deuxièmes, je sais pas. Il y a Dortmund qui était parti exceptionnellement bien. Ouais, qui... Ils ont même un moment, on s'est dit peut-être qu'ils pourraient aller embêter le Bayern. Au final, ils sont un peu écroulés aussi. Finalement, ils sont 5 ou 6e. D'ailleurs, exactement. C'est un peu fou. Ouais. En Liga, un championnat un peu plus aimé par Romain, notamment le Rayo Valladolid. Le mec, il fait un peu de choses. Le Rayo Valladolid ou le Rayo Non, le Real Valladolid. Les deux clubs ont fusionné. Séville qui gagne 3-0 à l'Espagnol Barcelone. Tranquille. Atlético qui perd des points à domicile contre Gérone, un partout. Le fameux Gérone. Las Palmas qui gagne 2-1 contre Valence, notamment deux cartons rouges pour du côté valencien. Le Real qui, malgré qu'ils étaient menés 1-0, renverse totalement la situation et gagne 7-1 contre c'est la Corogne. Pour Paris, ça. Doublé de Bale. Nacho et Ronaldo, c'est ça, c'est ça. Et donc, dès qu'il y a une tôle du côté du Real, il y a une tôle forcément du côté du Barça. 5-0 pour le Barça au Betis Séville. Classement Barcelone plus 11 sur l'Atlético, Valence 3ème. Là aussi, c'est terminé. Oui. Comme le la Bundesliga, on. Pour le titre, il y a quelques oui, chances que ça soit déjà plié, oui. Après, ce qui serait intéressant, c'est de voir aussi la réaction du Real, parce que bah, Valence, je ne sais, il ne doit pas être très très loin non plus des trois premières places. Valence est troisième. Romain, est-ce que le Real peut être sorti du top 3 cette année? Sortie du top 3, c'est pas impensable, mais quand je vois effectivement la dynamique actuelle de Valence, ouais. Pourtant parti très fort, qui est en train de s'essouffler, là il laisse beaucoup de points c'était en route. C'était sûr, on peut dire comme ça, parce qu'à un moment ça allait s'essouffler à un moment ou un autre. C'était plutôt sûr. Je pense que le Real a un impératif, bien sûr, de finir sur ce podium, et ils sont en mesure de revenir, d'autant plus si Valence s'écroule. Mais au vu du début de saison, effectivement, il faut qu'il y ait une équipe maintenant qui déjoue et qui soit plus à son niveau pour que le Real rejoigne le podium. C'est ça le pire. Et je tiens à signaler aussi les fait Montella. Sans trop de blagues. Je pense que Séville finira deuxième grâce à Montella. Ok. Ils font une belle saison encore. En première ligue, Manchester United va gagner 1-0 grâce à Toto Martial. Arsenal qui gagne 4-1 contre Palace. Ouais, c'est mon pote, hein, Toto, donc voilà. Ouais, c'est la fin. Qui gagne 4-1 contre Crystal Palace. Brighton s'incline 4-0 contre Chelsea. Manchester City 3-1 contre Newcastle avec un triplé notamment de Aguero. Southampton, Tottenham 1 partout avec un but notamment encore de Harry Kane. Qui fait qu'au classement, c'est là tout, aussi, plus 12 de City sur United. Chelsea est 3ème en attendant Liverpool qui joue ce soir, qui risque de revenir à la hauteur de Chelsea. On se rend compte que dans les championnats majeurs, il n'y a aucun suspense pour la course au titre, quoi. Excepté en Serie A. Excepté en Serie A, mais du coup, Allemagne, Espagne ou même France, t'as au moins 10 points d'écart chaque Angleterre fois aussi. Envers le premier. Non, Angleterre, il n'y a pas de suspense. Oui, où il n'y a pas de suspense. Ah oui, t'en as beaucoup, tu commences à réfléchir pour la deuxième place, mais la première est déjà quasiment faite. Il y aura des courses à la Champions League intéressantes, mais le titre, ça se précise beaucoup. C'est qu'il y ait autant d'écart dès le mois de janvier. C'est aussi une manière de conserver l'effort en vue des 8e de finale de Ligue des Champions. Oui, c'est possible, j'espère. T'as déjà fait le gap pour City ou pour. Non, c'est ça, tu sens vraiment qu'il y a des équipes qui ont un autre rendement et qui prennent suffisamment d'avance pour jouer la Ligue des Champions à fond et quitte à perdre quelques points en championnat. Parce que c'est pas aussi les équipes qui sont derrière qui se disent que peut-être. Maintenant qu'ils sont largués, autant jouer la Ligue des Champions comme des équipes comme United. Ah, aussi ils doivent se dire, mais bon, après ils doivent s'assurer aussi de la place de Ligue des Champions pour l'année prochaine aussi. Donc ouais, mais des équipes comme United ou comme le Real, si à moins d'une catastrophe, ils finiront dans les places qualificatives. Donc, oui, mais bon, le Real, c'est pas sûr. Mais après, Manchester, je pense que laisser le titre à City, je pense qu'ils l'ont pas fait non plus comme ça. Non, pas du début, mais bon, maintenant qu'il y a 10 points d'écart, ils se disent que bon. Ah oui, c'est sûr que maintenant ils doivent commencer à se dire que c'est. Ouais. On parlera de Champions League dans les Sport and Chill qui arrivent, ouais. Parce que ça va être important, ça arrive bientôt, le 14 février, si je ne me trompe pas. Arrive vite, voilà, donc Serie A, c'est le seul championnat qui a encore un petit peu de suspense pour la première place en tout cas. Même L'Inter si a fait un partout contre la Roma, c'était le choc de ce week-end en Serie A. Naples qui fait le minimum syndical 1-0 contre Atalanta à l'extérieur. Juve Genoa, ce sera ce soir dans une heure. Ce qui fait qu'au classement, Naples a plus 4 sur la Juve, sachant que la Juve évidemment a un match de retard. Et c'est la Lazio qui prend la 3ème place, malgré un match en moins également. Qui confirme cette très belle saison pour le moment. Donc, Avec un match en moins en plus. Il faudrait commencer à s'interroger un peu sur la valeur de Simone Inzaghi. Qui actuellement est le vrai Inzaghi. Hein. On parle beaucoup de Filippo, mais Simone, depuis qu'il est arrivé à la Lazio, est en train vraiment de. Ouais, il fait du bon boulot, ouais. D'être dans la catégorie des très très bons entraîneurs, un peu comme Pochettino. Est-ce qu'ils arriveront cette année à passer le cap? Souvent ils sont pas loin du top 3, top 4, ils arrivent jamais à rentrer dedans vraiment. Disons que franchement, que là, cette année, si la Lazio était dans les 4 premiers, c'est synonyme de Ligue des Champions. Après, moi je pense que la 3ème place, donc la place qualificative directement pour les phases de poule, est vraiment à leur portée. Donc ils sont devant la Roma, ça va pour eux. Et puis, surtout, ils ont battu la Juve à Turin. Ouais, c'est déjà significatif. Donc, je crois que c'est la seule équipe qui en Serie A a fait ça cette année. Donc, s'ils réitèrent au moins un nul à domicile après contre la Juve, ça prouve quand même qu'ils ont une vraie évolution. Ouais. Les gars, on passe parce qu'on va bien parler de la Ligue 1 aujourd'hui. J'ai envie de parler de Ligue 1, on n'en parle pas assez souvent. Ouais, c'était pas si mal ce week-end. Ouais. Vendredi soir, c'était l'OM qui a gagné 2-0 contre Caen. Nantes qui se fait surprendre par Bordeaux, comme quoi dès qu'un entraîneur part, il y a un regain d'énergie soudain. Au pas Saint-Etienne en tout cas. Pour Bordeaux, donc 1-0 pour Bordeaux à l'extérieur d'ailleurs. Le LOSC qui plonge et qui perd contre 3, 1-0. Nice qui gagne 1-0 contre l'AS Saint-Etienne, tu en parlais. Mm-hmm. Et Monaco qui gagne 3-1 contre Metz. Et donc le match du dimanche soir, c'était un match accroché et un beau match tout de même. 2-1 pour l'Olympique Lyonnais face au Paris Saint-Germain. Au classement, avant que je vous laisse la parole, PSG plus 8 sur Lyon. Donc un moins grand écart que les autres championnats. C'est un peu réduit, ouais. L'OM est 3e et Monaco juste derrière 4e. Est-ce que vous voulez réagir avant de parler de OL-PSG? Évidemment, on parlera tous ensemble. Mais sur un autre match, si t'as vu Saint-Etienne ou quelqu'un a vu notre match. Bon, déjà, outre les situations de Lille et Bordeaux qui sont inquiétantes, celle de Saint-Etienne aussi, même si évidemment un déplacement à Nice qui marche plutôt pas trop mal ces derniers temps et qui remonte petit à petit au classement, c'était remarquable. Nice en ce moment. Ouais, ils vont revenir. Je pense que ma théorie sur leur 5e place est tout à fait crédible, puisque Nantes commence à s'essouffler. Donc c'était une défaite plutôt attendue de Saint-Etienne, mais bon, après voilà, certains, ouais, moi qui regarde une bonne partie des matchs, ouais, on va dire que c'était un match qui était moins pire par rapport au dernier. Donc oui, il y a un peu plus de technique qui a été apportée par la recrue. On sent une patte gassée qui commence un petit peu à se mettre en place. Donc voilà, la claque contre Metz était un petit peu évacuée. Là on a senti une équipe un peu plus mobilisée. Et bon, voilà, les semaines qui vont arriver vont être déterminantes, parce qu'il y a des matchs assez accessibles, puisque j'y joue, je crois, Amiens et qu'à un domicile. Donc voilà, c'est des matchs là où il faudra vraiment gagner, sinon on va être encore plus inquiet. Mais je pense que l'équipe, avec les recrues qui arrivent et Gassé qui commence vraiment à avoir la patte imprégnée sur l'équipe, peut progresser, engranger quelques points pour être un peu plus tranquille, quoi. Un mot sur le LOSC, même avec Galtier, ça ne fonctionne pas ou ça a du mal à prendre pour l'instant? Qu'est-ce qui se passe? Moi, à mon avis, il faudrait tout simplement un peu dégonfler le souffler un peu qu'on avait créé autour de Lille avec l'arrivée de Bielsa. Alors évidemment, j'ai aucun doute sur la valeur de Bielsa sur de longues années, sur ses méthodes de formation, etc. Mais quand on nous vendait l'équipe type qu'on a actuellement sur le terrain comme étant un potentiel top 5 français... Qu'est-ce qu'elle est nulle, l'équipe? Moi, je suis désolé. Même avec des yeux d'amateur, j'ai rien contre, par exemple, Thiago Maia. Hein, mais quand on me dit que cette équipe avec Benzia, Thiago Maia, etc. pouvait finir dans les 5 premiers, j'avais de gros doutes dès le départ, Bielsa ou pas. Bon. Ah, c'est sûr. Déjà, juste ce postulat-là, et puis oui, après l'effet Bielsa, ça n'a pas du tout marché cette année parce qu'il n'y avait aucun cadre. C'est pas le profil, quoi. Il n'y avait que des jeunes, il n'y avait aucun cadre, ce qui n'était pas le cas lorsqu'il est arrivé à Marseille où il y avait déjà des structures un peu plus fiables. Voilà. Mais je pense que même Bielsa en France, c'est pas possible parce que la France est encore trop fermée sur certaines choses. Et puis le projet avec le fameux Lopez aussi. Oui, c'était ambigu, et puis aussi très ambigu comme etc. Donc là, d'ailleurs, ils sont obligés de vendre Terrier, qui est une des grosses promesses du foot français. Tu le lâches comme ça. L'Olympique Lyonnais, normalement. 15 millions, quasiment. Ça devrait le faire. C'est un peu dommage. Moi, pour rebondir sur Thiago Maia, je pense que Thiago Maia, c'est quand même un joueur à qui il faut laisser un peu de temps. Il y a un temps d'adaptation parce que, pour l'avoir vu, c'est vraiment un très très bon joueur. Après, c'est vrai qu'il a encore des carences, mais c'est encore jeune. Je pense que avec une saison pleine de Ligue 1 dans les jambes, l'année prochaine, ça peut être une des révélations de la Ligue 1. Ils ont un Thiago Mendes Thiago Maia qui soit une révélation. Après, bon, pour l'instant, après, c'est vrai, c'est de constater que à l'instant T, c'est une erreur pour l'instant, mais je pense qu'il faut quand même lui laisser du temps. Il y a Thiago Mendes qui est quand même un très bon joueur aussi, il faudrait qu'il reste à Lille parce que s'il doit faire comme avec Terrier pour lui, ça peut devenir compliqué pour Lille. Mais c'est vrai que moi je pense que Galtier, c'est pas du tout l'homme de la situation, il a pas les joueurs pour mettre en place son projet, donc c'est un peu compliqué. Après, moi j'ai toujours du mal avec ces joueurs qui sont certes beaux à voir, techniques et tout, mais dans les situations comme ça où tu es en difficulté, je trouve qu'en termes de ratio de qualité et d'effort, ils sont pas toujours présents, quoi. C'est pas toujours ceux qui, pour moi, tu regardes Malcolm aussi qui est en dessous, même si c'est bien évidemment un des meilleurs à Bordeaux vu que côté c'est le néant, mais dans les missions survie comme ça, il faut des joueurs un peu plus affirmés, plus combattants, et qui ont peut-être un peu plus d'expérience de la Ligue 1. Voilà, que l'expérience, qui savent les valeurs du club pour les défendre. Il aurait fallu qu'il soit un mot plus vite, voilà, qu'il soit à la 5e place pour les mettre en place. On va passer au match, au choc de Ligue 1. Avant, je vous confirme, c'est officiel, Alexis Sanchez est à Manchester United à l'instant, je viens de le voir. Bravo à toi. Donc, sur un 100%. Ouais. Donc voilà, donc, du coup, il devrait avoir un échange avec Mkhitaryan sans prêt d'argent, on va dire. Et Aubameyang qui devrait arriver apparemment. Voilà. Il a l'entraîneur du Real. Oui, Vincent, je sens que tu as envie de prendre la parole. C'est pas un bon plan, non, pour United? Si, parce que Mkhitaryan, depuis 6 mois, c'est le fantôme. Disons que Alexis Sanchez est beaucoup plus polyvalent que pour Manchester. Devant, ils ont du monde, et pour moi, c'est pas là qu'il faut recruter forcément. Puis il a 30 ans, enfin... Il est surtout polyvalent pour milieu de terrain. Puis donc, tu perds pas au c'est pas forcément qu'un attaquant. Tu perds pas au change avec un très bon joueur. Oui, et puis quand on a Rashford, Lingard, avoir Alexis Sanchez, c'est quand même. Il savait faire autre chose que seulement faire des passes décisives. Donc. J'aimerais bien parler de Manchester plus longuement. Je vous le savais, mais malheureusement, on peut pas. On va passer à Lyon PSG. Donc match accroché comme je l'ai dit, avec deux beaux buts lyonnais d'ailleurs. Très beau. Même le but parisien aussi. Même le but parisien en effet. Trois buts magnifiques. C'est vrai que le but parisien en effet aussi, c'est peut-être le plus beau des trois presque. Et puis, game. Un match accroché, on a vu ce fameux, pas pénalty on va dire, entre Mbappé et le gardien Lopez. Il y a eu beaucoup d'arbitres qui ont été pour ou contre le pénalty, donc c'est là où on voit que la limite de l'arbitrage vidéo pour l'instant. Rien, ouais. Donc pour vous, est-ce que c'est un score mérité pour l'Olympique Lyonnais ou pas? Écoute, moi j'ai toujours tendance à dire que dans ce genre de match-là contre Paris, évidemment, moi j'ai toujours envie de mettre plus de points à l'équipe qui est évidemment outsider contre Paris, c'est logique parce qu'il y a moins de moyens, moins d'effectifs et tout. Et moi je trouve toujours que Lyon, dans ces gros matchs-là, ils ont toujours une envie qui est assez importante, même si en deuxième mi-temps ça a été un peu plus compliqué parce qu'ils savaient qu'il y avait une menace. Mais j'ai trouvé vraiment une très bonne première mi-temps de Lyon. Et en plus, quand t'as des bons choix comme ça, avec des bons jeunes qui arrivent et tu sens que l'alchimie prend parce qu'il y a une bonne technique, je trouve que Lyon a fait quand même un beau match. Ils ont tenté, il y a eu beaucoup d'envie. Paris, au contraire, dans ces gros matchs-là, je les trouve souvent à l'extérieur un peu friables et un peu nonchalants. C'est ce que je regrette beaucoup pour une soi-disant très grande équipe. Donc voilà, en plus, ils ont le coup du soir avec Neymar et Mbappé en plus qui sortent. Mais voilà, Lyon, il y a quasiment jusqu'au bout. Et puis, sur un coup de génie avec un joueur qu'ils ont fait confiance depuis quelques temps. Il y a un joueur qui sort du lot par rapport au match d'hier, c'est Ndombele, le milieu. Ouais, et puis ce jeune, voilà, c'est entre les jeunes joueurs. C'est totalement le match aller-retour d'ailleurs. Hein. C'est... Ouais, les deux matchs, il a même joué avec Amiens, il avait fait une performance dans ce match. C'est là où aussi. On voit que Lyon, avec des moyens un peu plus. Moindres, t'as du centre de formation, t'as des bons choix, et puis voilà, ça paye au final. Est-ce que c'est pas la limite justement de Paris que Ndombele arrive à. C'est justement ça. Il a montré les carences du PSG. Presque tout seul, parce que. Il a bougé les trois. Rappelez-vous, Verratti, Lo Celso. Lo Celso, c'est pas un numéro 6. C'est un numéro 6 pour jouer contre Metz. Même Rabiot et Verratti, ça doit suffire. S'ils sont pas aussi nonchalants, ils peuvent. C'est pas des numéros 6, c'est pas des joueurs dans l'impact qui sont aussi forts qu'un Thiago Motta. C'est des joueurs rassurants. C'est autre chose encore. Je pense que c'est pour ça qu'ils étaient d'ailleurs si intéressés par un profil comme celui de Fabinho, où ça pourrait être. Peut-être un tout autre joueur, bien sûr. Diarra déjà apportera quelque chose d'uniforme. Oui, sans doute. Ils se rendent compte que sur des matchs assez importants, comme celui-ci, ils ont besoin en tout cas d'un véritable 6. En Ligue des Champions, ça peut se faire sentir également. Et après, contre le Real, tu peux prendre cher là. Effectivement, ça peut être un problème pour eux dans la bataille au milieu de terrain. Bon, après, pour le moment, on a un petit Real, donc restons méfiants. Mais en tout cas, ça risque d'être une opposition de Real intéressante. Ce sera pas un petit Real, à mon avis, non plus, le 14 février, parce que ce sera pas le même match. Et ces joueurs sont parés pour la Ligue des Champions, et c'est vrai que par exemple un profil comme Casemiro est quelque chose qui est un peu un joueur de l'ombre, mais que le Paris Saint-Germain n'a pas. À l'inverse, côté lyonnais par contre, j'ai été vraiment agréablement surpris de ce qu'ils ont proposé. Là où je rejoins Guy, c'est que je les trouve toujours assez présents, ils répondent présents vraiment dans ces gros rendez-vous. Par contre, la semaine d'avant, j'étais au Parc OL pour le match contre Angers ouais, deux semaines avant. Partout, non, oui, non, une semaine avant, et où il y a eu un partout et où c'était vraiment un match assez faible. Ce que j'ai remarqué aussi dans cette équipe, c'est qu'à partir du moment où ça file pas vraiment comme ils veulent au niveau du match, notamment devant, ils se retrouvent vite bloqués. Ils ont plus de mal finalement contre des petites équipes contre des grandes. C'est pour ça que c'est un peu une équipe qui est en montagne russe dans ses performances, un petit peu aussi. Par contre, oui, il y a une Ndombele, effectivement. Et justement, c'est la différence entre Paris et Amiens. Non, c'était Angers. Angers. Ben voilà, Ndombele joue pas le premier match, il joue contre Paris. Ouais, ça change, ça fait change la un peu. C'est un dynamiteur au milieu de terrain. Tout le visage de Lyon. Hein. Et pour aller chercher la Ligue des Champions en fin de saison, effectivement, je trouve que le recrutement lyonnais a été très intelligent. Et, oui, en parlant de recrutement aussi, moi je trouve, en voyant le match hier et qui confirmait aussi ce que je pensais avant, c'est que le gros point fort aussi en défense, ça a été le recrutement de Marcelo. Ouais, qui est très bon, qui s'est installé en Tony assez vite. Qui joue à Beşiktaş, je crois, et qui était relativement connu, mais c'est en plus, et qui a largement le niveau de la Ligue 1 et le niveau de top Gum, quoi. Ok, on va passer parce que sinon on n'aura pas le temps de faire les autres sports. On va passer à la NBA tout de suite. Il y a eu un gros match, je crois, ce week-end entre Houston et les Warriors. Je laisse la place à mon président. Ouais, c'est un gros match avec Houston Warriors. Au final, c'est les Rockets qui en sont sortis vainqueurs avec un très très grand Chris Paul qui fait 11 ou 12 passes, qui met plus de 30 points. Qui a été énorme. Des Warriors un peu en dedans, à l'image de Curry, qui fait pas un match exceptionnel, qui pourtant jusqu'ici était bien revenu. Mais voilà, on a un peu ce qui va nous attendre, ce qui risque de nous attendre en finale de conférence. Match offensif entre des équipes qui aiment bien faire courir les autres. Donc c'est vraiment des matchs très intéressants. Je pense que Clint Capela va avoir un rôle de plus en plus important pour les Rockets, notamment dans les playoffs. Donc on verra. Ah, c'est vrai que cette finale promet vraiment en termes de jeu. Si c'est ça, ça va être spectaculaire. Ça va être extrêmement spectaculaire. Très bien. Au niveau du classement, je sais pas si tu as un petit point. Ça change pas. Il n'y a pas grand chose qui change. À l'est, c'est toujours Boston qui est en tête malgré leurs trois défaites de la semaine. Il y aura un gros match qui arrive pour eux, non? Ouais, il y a un gros match qui arrive contre Golden State bientôt. Golden State qui est premier de la conférence ouest malgré sa défaite contre Houston aussi. C'est une petite avance. Donc pour l'instant, ça bouge pas grand chose. Bon, après, il y a Cleveland qui est un peu en dedans, qui se fait rejoindre par Miami ça, qui est à une défaite de Cleveland. Donc faut faire attention pour les Cavs parce que la quatrième place après c'est rare, c'est un peu compliqué. On dit souvent que les Cavs arrivent à monter en puissance au fil de la saison et qu'en playoff ils sont toujours là, mais c'est quand même rare sur les dernières années qu'ils accumulent autant de retard quand même. Ouais, là ils sont, là, ils sont loin comme quand même, ça hein. Presque quatrième limite. Bon, après il y a LeBron, il y a 4-5 ans quand j'étais à Miami, il avait un peu lâché la saison régulière au profit d'Indiana pour mieux les taper en playoff. Donc est-ce qu'il peut faire la même chose avec Cleveland? On espère pour lui, mais attention parce que Boston puis le reste de l'équipe, l'effectif, je trouve qu'ils sont un peu bien huilés. Un peu nonchalant. Ouais, puis Boston prend de l'avance, ouais. On sent une équipe en confiance. OK, on va passer au rugby puisqu'il y a eu Coupe d'Europe au rugby ce week-end. Là, je vois aussi sur Twitter Henrik Mkhitaryan hein, qui est bien confirmé dans l'échange avec Sanchez. Donc 4 clubs français, c'est le bilan en Champions Cup après cette phase de poule, 4 clubs français qui restent. Dans le groupe 1, c'est la qualification du Stade Rochelais, premier après sa victoire 16-7 contre les Harlequins. Les deuxièmes du groupe, les Wasps, ne passent pas, faute de points du coup, parce qu'ils ne sont pas dans les meilleurs... dans les 3 meilleurs deuxièmes c'est de Coupe d'Europe. Il y a 5 poules et tu as 3 meilleurs deuxièmes qualifiés en quart. Dans le groupe 2, c'est Clermont, donc un club français qui prend la première place, notamment grâce à sa victoire 24-7 contre les Ospreys dans le dernier match du groupe. Les Saracens, champions en titre, se classent deuxième et finissent dans les 3 meilleurs deuxièmes. D'ailleurs, ils ont eu chaud parce que c'est les Waps qui, je crois qu'ils les ont fait qualifier, ou un autre club anglais les a fait qualifier à la justesse. Ouais. De quoi ? Ça s'est joué au point aussi, c'est ça ? C'est peut-être Exeter qui les a fait se qualifier. Ouais, je sais plus, je crois que c'est les Wasps. Je suis pas sûr. À vérifier. Groupe 3, donc la poule de Montpellier. Le Leinster s'impose avec brio avec 6 victoires sur 6, 27 points pris sur 30. Meilleur total de toutes les équipes cette année. Exeter, les champions d'Angleterre, finissent deuxième, mais eux donc avaient trop peu de points pour passer en quart. Groupe 4, la première place pour d'autres Irlandais, donc avec le Munster qui se qualifie après avoir mis une fessée à Castres 48-3. Décidément, le Castres Olympique, c'est pas trop leur tasse de thé, hein, les Coupes d'Europe, j'ai l'impression. Le Racing Metro se classe deuxième et se qualifie pour les quarts de finale. Je vous laisse parler à la fin pour un petit point. Vous inquiétez pas. Religieusement, t'inquiète pas. Le groupe 5, les Scarlets prennent la première place aux dépens de Toulon qui s'est incliné donc 30-27 contre ces mêmes Scarlets. Toulon reste cependant les meilleurs des deuxièmes et se qualifie pour les quarts de finale. Ce qui fait qu'au tirage au sort des quarts, Leinster Saracens, qui est donc le vainqueur, recevra donc Scarlets contre La Rochelle. Et les autres deux quarts de finale, c'est Munster Toulon et le vainqueur recevra Clermont Racing. Voilà, est-ce que vous avez un point, avant de parler de Montpellier, qu'on parlera tout à l'heure, évidemment, est-ce que vous avez un point sur un club ou un autre? Moi, Box, si tu veux. je le casse comme non, ça. Non, on a un point sur le rugby, pas un point sur les autres sports. Bonjour Guillaume. J'avais envie d'enchaîner, je sais pas pourquoi. Je voulais pas te laisser seul. Je tiens juste à saluer quand même la jolie performance des clubs français, parce que 4 clubs français sur 6 en quart de finale, c'est loin d'être négligeable. En sachant que Montpellier, encore une fois, c'est sabordé. Et ils avaient largement les moyens avec l'effectif après, et avec le niveau qu'ils ont développé au top, en top 14 de se qualifier en quart, ça n'a pas été le cas. Quant à Castres, bon, comme tu l'as dit, ils ont une fâcheuse tendance à ne pas performer comme ils le font en top 14. Et je tenais aussi à signaler, je pense, à mon avis, que les deux clubs irlandais sont largement au-dessus. Et que le Munster a été la seule équipe. Et que le Munster a été la seule équipe cette année qui, je crois, est allée gagner au Leinster. Donc, ouais. Question rugby, moi. Je m'applique dans le sujet. Alors, vous allez me dire si je suis dans le droit chemin ou pas. Est-ce que j'ai l'impression, moi, que c'est toujours les tauliers du style Clermont, tout ça, qui sont peut-être quelques surprises en effet. Voilà, qui sont toujours au rendez-vous en Coupe d'Europe, mais j'ai l'impression que les équipes comme Castres ou Montpellier, qui sont entre guillemets des équipes qui montent, qui évoluent depuis ces dernières années en top 14, n'arrivent pas eux à vraiment confirmer en Coupe d'Europe. Il y a quelques surprises. Tu ouais. me confirmeras ou pas. Genre la Scarlett et là la Rochelle pour la première. Coupe d'Europe. À la fois il y a des équipes qui commencent à être en Coupe d'Europe depuis un moment. Tu le cites, Castres ou Montpellier par exemple pour les équipes françaises et qui peinent. Bon, Montpellier a déjà fait un quart de finale, mais jamais plus, et puis n'avait pas pu mettre en danger, c'était clairement à l'époque. À l'inverse, Castres n'est même jamais sorti des poules, si je me trompe pas. Bon, même si ça ne fait pas forcément de la peine, mais c'est ainsi. Par contre, il y a des équipes qui montent. Le Racing confirme en Coupe d'Europe, ça fait plusieurs fois qu'ils passent les poules et ils sont même arrivés en finale. Et puis là, dernièrement, effectivement, les deux équipes que cite Flo sont intéressantes. C'est les Clanecly Scarlets, qui sont des Gallois, qui à un moment étaient même vraiment au fond du trou, hein, à la fois en Coupe d'Europe et en Celtic League, et maintenant sont même qualifiés premier de poule, donc joueront leur quart à domicile. Et La Rochelle, qui est l'équipe surprise dont on a parlé pas mal. En top 14, et qui a été assez remarquable et qui au final jouera à l'extérieur, mais justement dans un duel qui n'était pas forcément attendu en quart, qui sera entre ces Gallois et donc La Rochelle. D'accord. Et qui pourrait être tout à fait intéressant. Par contre, il y a des grands classiques, mais j'ai envie de dire un petit peu aussi comme ouais, des champions. Foot, ouais. Okay. Est-ce que les favoris ne sont pas irlandais cette année? Moi, je pense que oui, très clairement. C'est-à-dire que avoir 4 clubs français, j'en suis plutôt satisfait, bien sûr, mais c'était presque surprenant dans la dynamique actuelle. Les Anglais sont passés pas loin de la correctionnelle. Bon, même si, vu les équipes proposées, il y a forcément toujours une équipe anglaise ou française en quart. Cette fois-ci, les champions en titre, les Saracens, qui pourront au moins défendre leur couronne. Par contre, les Irlandais, Leinster et Munster, ils sont qualifiés d'ailleurs l'un comme l'autre premier de poule, dans des poules pas forcément faciles. Et je pense qu'ils seront très durs à aller chercher. On peut peut-être ajouter Clermont aussi. J'avais parlé des Français. Est-ce que Clermont ou par exemple Toulon peuvent monter en régime par rapport à l'année qui arrive? Là, on sait qu'ils sont un peu dans le dur au début. Et puis peut-être comme les grosses écuries en foot peuvent passer un cap. Pour Toulon, je ne les vois pas trop. Enfin, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Je ne suis pas très serein pour Toulon non plus. Voilà, c'est bien que tu confirmes aussi. Mais pour Clermont, moi je les vois un peu plus, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'ils ont fait une très grosse phase de poule. Donc il y a ce faux pas face à Northampton, mais au final ils gagnent quand même au Saracens. Donc je pense que tu l'avais posé dans un quiz, depuis combien de temps ils n'avaient pas perdu en Coupe d'Europe? 20 matchs. Voilà, 20 matchs, donc c'est quand même assez impressionnant. Comme, Puis il leur avait mis une tôle en plus là-bas. Voilà, il leur avait mis 40 points, donc c'était ce match un peu spécial où il y avait la neige. Qui était joué lundi, oui. Voilà, donc clairement, en plus, je pense qu'ils ont peut-être plus grand-chose forcément à jouer en championnat. Ils sont quand même assez distancés par rapport aux places qualificatives, hein, si vous pouvez confirmer ou quoi. Donc pourquoi pas l'année de Clermont en Coupe d'Europe. Après, voilà, ça dépendra du tirage. Là, normalement, en quart à domicile, ça pourrait le faire. Mais j'ai entendu qu'il jouera à l'extérieur en demi en Irlande. Ça pourrait être compliqué. Munster ou Toulon, ouais. Ouais, ça, voilà. Ça là, ce sera autre chose de gagner par exemple au Munster, si c'était le Munster qui venait à passer. Après, j'avais une remarque donc, qui n'est pas forcément pour les favoris, mais pour peut-être un futur débat, c'est sur les poules, de la manière dont elles sont mises en place. Je pense notamment à la poule de Montpellier dont on parlera juste après, où on retrouve finalement une poule extrêmement relevée avec Glasgow, Exeter et Leinster. Leinster, c'est l'écurie par excellence de cette Coupe d'Europe, plusieurs fois champion d'Europe. Exeter, c'est le champion d'Angleterre en titre. Alors c'est pas le même fonctionnement effectivement pour créer les poules que dans d'autres sports, donc il faut aussi l'accepter, mais Exeter est champion en titre et Glasgow est actuellement en titre de la Celtic League, et on avait d'ailleurs actuellement dans la même poule le premier du championnat d'Angleterre, le premier de la Celtic League, le premier du top 14. Ça peut paraître surprenant, je pense d'ailleurs pour des yeux extérieurs au rugby. Moi je suis d'accord avec toi, mais c'est le fonctionnement qui veut ça. Déjà on a réduit de 6 poules à 5 poules par rapport à avant, et puis voilà, quand tu vois dans une poule comme Toulon par exemple où t'as un club italien, ils ont tiré le gros lot cette année, ça leur fait déjà 10 points, donc ils terminent meilleur deuxième. C'est ça, en fait, ce qui me gêne plus, c'est sur après les qualifications, de se dire qu'au niveau de la deuxième place, c'est le nombre de points qui compte. Et donc, par exemple, dans une poule aussi relevée que la nôtre, en plus, en l'occurrence Montpellier, bah, le deuxième, qui n'était pas nous, était Exeter, et ils sont avec 15 points. C'est pas possible pour eux de se qualifier face à des équipes qui ont peut-être eu des victoires plus faciles, mais ce sera avec plus en plus. Il serait peut-être mieux de penser en fait, à établir le classement des meilleurs troisièmes en fonction, en enlevant pardon, le dernier de la poule, les résultats contre les derniers de chaque poule. Je pense que ça serait plus approprié parce que ça tiendrait pas compte des résultats que tu ferais face au club italien, par exemple, qui favorise, ont favorisé Toulon cette année. Quoi. Okay. Ouais. Bon, après, c'est aussi, dans le jeu de prendre des équipes plus faibles. Bien sûr. Après, comme Romain a noté aussi, avec la poule de Montpellier qui concernait les premiers de chaque grand champion européen, bon, là, c'était juste la conjoncture qui faisait la chose. Bien sûr. Je te laisse terminer, Vincent. Non, mais tu dis, c'est le jeu de prendre des petites équipes. Moi, je suis tout à fait d'accord. Il faut en prendre. Mais le problème, c'est que pourquoi alors on a réduit de 6 à 5 poules? Ça fait des poules plus denses. Donc, du coup, effectivement, on peut pas oublier le club italien, enfin Trévise. Avant, il y en avait deux, il me semble, des clubs italiens en Coupe d'Europe. Ouais, si, il y avait Rouen, par exemple. Voilà, ou les Zèbres. Ou les Zèbres. Donc, pourquoi plutôt ne pas ouvrir pour faire un peu des poules plus... Et pourquoi ne pas faire de poules, carrément? Tout de suite commencer sur des matchs à élimination directe. Ça pourrait être une des solutions. Au foot, ça a été envisagé à un moment donné de supprimer les poules en Ligue des Champions pour se retrouver à faire des 165... Ça doit être les droits télé, je pense, le problème. C'est une bonne idée, mais... Fait moins de matchs, peut-être ça va être les droits télé, sûrement. Je pense que ça va être ça. Et le pool, tu montes en puissance un peu. On va passer au sport d'hiver, Romain. Je te laisse la parole. Ski alpin, biathlon, patinage et tout le tralala. Tout ce qui nous régale. Ça en fait beaucoup, je pense que ça va régaler tout le monde. Et puis je remplace Théo, j'en profite pour lui passer hommage à lui. Exactement. Je vais commencer. Alors on dit parfois sport majeur, sport mineur. Je pense qu'aux Jeux Olympiques, c'est le ski alpin souvent qui intéresse le plus, qui est assez majeur. Avec les épreuves qui étaient du côté de Cortina d'Ampezzo, donc c'est en Italie pour les filles, alors qu'en chez les hommes ils étaient à Kitzbühel, donc pour les non connaisseurs c'est une des pistes mythiques du ski. C'est pour moi par exemple qui suis très cyclisme connais. J'ai envie de dire que la Strife de Kitzbühel c'est un peu le Paris-Roubaix pour le ski alpin. Je suis plus Tour des Flandres, moi. Ou peut-être plus Tour des Flandres, effectivement. Prends le micro pour autre, ça, autre débat. Et donc du coup, commençons donc par les féminines. Donc pour le coup en Italie, avec il y avait des épreuves plutôt de vitesse avec deux descentes. Ça c'était assez surprenant même pour moi d'avoir deux descentes consécutives au même endroit. Je sais pas vraiment ce que ça a apporté, mais c'était ainsi. La victoire à domicile donc de l'italienne Sofia Goggi lors de la première descente devant Lynn Seven et Michaela Schifrin, qui est décidément capable d'aller sur tous les terrains, sachant qu'elle est plus épreuve technique et même troisième d'une descente. Et lors de la seconde descente, Lynn Seven a pris sa revanche, donc la grande skieuse aussi américaine de la vitesse devant Tina Weirater et la surprise Jacqueline Wiles pour les américaines. Par contre, on peut voir encore que les françaises ne sont pas du tout dans le coup dans ces épreuves de vitesse, mais c'est pas une nouveauté. Tiffany Gauthier est deux fois la meilleure française, mais respectivement au 23e et puis 24e place, donc peu d'espoir pour un vrai pas beau terrible. Résultat au JO. Pour le Super G, donc qui permettait d'en terminer dans cette semaine pour les filles, c'est la Suissesse Lara Gut qui l'a emporté devant l'Italienne Johanna Schnarf. Ouais, très, très mignonne Lara Gut d'ailleurs. Et l'Autrichienne Nicole Schmidhofer. La première française c'est Tessa Worley. Donc décidément on peut compter que sur Tessa Worley parce que ce n'est même pas ça. Comment dire ça, son épreuve de prédilection contrairement au slalom géant, et elle finit 14e. Après, il y a un beau tir groupé derrière, 16e, 17e, 18e, mais on voit aussi que ce sera compliqué d'aller chercher le podium. Savoir c'est le super G, non ça, c'est le slalom géant. Slalom géant, c'était sur le super G justement, où elle fait 14e. Ok. Du côté des hommes, ouais, juste, des hommes donc je vais aller un peu plus vite, même si c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est bon, on est pas mal. Je laisse le temps. Donc voilà, la descente, c'était donc la fameuse Strive qui est une piste assez impressionnante parce qu'il y a des pourcentages assez fous et puis justement les skieurs peuvent prendre énormément de vitesse. Il y a eu des chutes assez impressionnantes. C'est l'Allemand Thomas Dressen qui l'emporte à la surprise générale, mais devant des habitués, Bitfuzz qui est le Suisse leader de la Coupe du Monde de descente et Beat ou Beat. Et ça je me pose toujours la question parce que je sais que Théo dit Beat, mais Je me pose moi-même la question. Je sais pas. Mais pas de réponse. Je pourrais pas te le dire. Je renseigne parce que au JO on risque d'avoir à dire son nom également. Devant ensuite l'Autrichien Hannes Reichelt, le premier Français c'est Brice Roger qui fait 7e. Pour ce qui est du Super G qui avait lieu la veille, grande domination norvégienne cette fois-ci avec Axel Lundsvindal qui l'emporte devant le leader de la Coupe du Monde dans cette discipline qui est Kjetil Jansrud, donc un de ses compatriotes. Et premier Français Adrien Théo qui fait 5e. Donc là à l'inverse inversé. Chez les hommes, il y a, alors faudrait une surprise, c'est plus des outsiders, mais on a un qui a fait 5e, donc Adrien Théo, et Gizem Danner aussi a fait 9e, donc sait-on jamais. C'est régulier tout de même, Adrien Théo. Ils sont assez réguliers en plus, notamment Adrien Théo, donc un podium sur une épreuve olympique, ça peut être envisageable. Et enfin, donc la grande épreuve aussi, en tout cas moi, celle qui me passionne le plus, parce que à chaque porte, il y a des skieurs qui peuvent perdre toute illusion pour une médaille, notamment sur des JO, c'est le slalom, où il y a eu non pas une surprise, parce que ce sont deux skieurs qui dominent, mais justement le pouli d'or Henrik Kristoffersen a fini par prendre sa revanche après 5 succès consécutifs pour Marcel Hirscher. C'est vrai qu'il était souvent deuxième et emporte après Hirscher, les deux manches avec quasiment une seconde d'avance, donc sacrée victoire pour lui, et vraiment on sentait qu'il avait besoin de ça pour une libération. Je pense que ce sera intéressant aussi dans la perspective des JO, parce que si là il l'emportait pas avec l'avance qu'il avait en première manche, je pense que ça aurait été très dur pour son moral. Et la grosse perf côté français par contre, c'est Victor Mufajandé qui fait 4e, alors qu'il avait fait un début de saison compliqué. Il a gagné le combiné à Wengen, là il fait 4e, c'est son meilleur résultat en slalom, et en plus il y a plutôt une bonne densité de skieurs slalomeurs français. D'ailleurs la complexité pour le sélectionneur, c'est qu'ils peuvent en prendre que 4, ouais, et qu'il y en a 5 qui font des résultats assez similaires entre généralement la 5e et la 15e place. Il y a Clément Noël qui a fait 8e mais qui avait jamais fait de bons résultats, mais qui est quand même le champion de France de la discipline. Et puis après il y a Jean-Baptiste Grange et Julien Liseroux qui sont un peu des tauliers du slalom depuis des années, et puis Alexis Pinturo qui est sorti cette fois-ci mais qui est un peu le leader de l'équipe de France. Donc voilà, ils pourront en prendre que 4, donc bon courage à eux là-dessus. Donc voilà, a priori ça devrait être Liseroux, je pense, qui... Pour le moment, ce serait plutôt Liseroux qui a l'air d'être un peu en second plan, mais Clément Noël, il fait souvent une bonne manche et il a du mal à être classé en fait. Il est très jeune. Ouais. Ouais, d'accord. Bon, je te laisse au biathlon alors cette fois-ci. Passons donc au biathlon. On était en Italie comme pour les féminines au ski alpin à Antols Anterselva. Donc c'était là pour le coup en ski alpin, il y aura encore quelques petites manches avant les JO, mais là c'était les derniers tests avant les Jeux Olympiques, donc intéressant à nous de savoir où en sont nos Français. Et Martin Fourcade a plutôt très bien réussi chez les hommes. Toujours le même duel hein, face à Johannes Bö qui a remporté le sprint en faisant une course assez magistrale, et Martin Fourcade prend la deuxième place. Ouais. C'est... Et je pense que c'est l'inquiétude pour l'instant de Martin Fourcade par rapport aux dernières années où il remportait vraiment tout, c'est que Johannes Bö est quand même en grande forme et vraiment très fort sur les skis, donc s'il fait pas d'erreur, il sera quand même dur à aller chercher, notamment après, sur le sprint. Après il l'a battu, Fourcade a dit qu'il se sentait bien, qu'il était capable d'aller le chercher. Ouais. Est-ce que c'est de la com? Je sais pas, mais en tout cas c'est intéressant d'avoir un Français qui s'exprime ainsi avant une épreuve de ce type, et qu'il a joué partie grand, clairement. Et après par contre Martin Fourcade il a fait aussi deuxième effectivement sur la poursuite, mais sur la mass start ce week-end il l'emporte, et avec vraiment une magnifique course, il a dominé quasiment du début à la fin. Et là cette fois-ci c'est pas Johannes Bö qui est juste derrière lui, mais c'est son frère Tarje Bö, donc décidément des Norvégiens qui peuvent être redoutables, et aussi en relais, parce qu'on voit que sur la mass start c'est Bjørn Tøkkard qui est aussi un Norvégien, ce qui explique aussi sans doute pourquoi un skieur au Panthéon comme Ole Einar Bjørndalen ne peut pas être dans cette sélection, parce qu'il y a un niveau assez impressionnant. Tu voulais réagir à quelque chose? Ouais, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, moi je pense que cette année Martin Fourcade il a vraiment tout axé sur les Jeux. Il y a encore 2 semaines et on voit qu'il est là, il est leader de la Coupe du Monde en étant, on le dit tous moins bien. Et au final, je pense qu'il a vraiment axé sa préparation sur les Jeux. Il a fait combien de podiums? Il avait fait que des podiums cette année. C'est pas qu'il est forcément moins bien. J'ai l'impression que c'est Johannes Bö qui est très fort cette année. Oui, mais peut-être que Johannes Bö est parti un peu trop tôt, trop vite. Fourcade a fait sa préparation en fonction des Jeux. Ce serait même logique au final, parce que les Jeux, ça reste les Jeux. Je pense que c'est ça, et que on le verra bien au jeu, et qu'il va remettre les pendules à l'heure. L'année dernière, il avait tout écrasé sur les manches de Coupe du Monde. Cette année, c'est une année olympique. Moi, je pense que c'est pas forcément bête. Après, on verra justement le jour J ce que ça donne face à Johannes Bö, mais des fois c'est comme dans d'autres sports, il faut pas être prêt trop tôt, et je pense qu'il a accès à sa prépa sur les JO. Parce que si mes souvenirs sont bons, l'année dernière il avait fait un très gros début de saison, il avait un peu calé en fin de saison au championnat du monde, si je me souviens bien. Voilà. On va continuer parce qu'on va prendre du temps un peu sur le débat, parce que j'ai mis beaucoup de temps en débat, mais on va continuer sur le ski aussi. Il y a les féminines qu'on n'a pas parlé. Les féminines dont on n'a pas parlé. Beaucoup plus mal. Où c'est beaucoup plus compliqué, ouais. Notamment, je pense, la déception, c'est que. Et elle-même était très déçue, c'est que Justine Brezza est plus dans le coup, alors qu'en décembre elle était assez impressionnante, et où je pensais que ça pouvait être une bonne chance pour les JO. Alors on va voir comment elle se reprend, mais c'est compliqué pour elle. Celle qui a le mieux répondu présent cette semaine, c'est Anaïs Bescon, qui fait notamment 5e du sprint, mais généralement visiblement elle réussit bien à Antols Anterselva où il n'y a pas les mêmes conditions que dans les stations où ils étaient les semaines passées. Il y a une petite surprise du côté des favorites, c'est qu'il y avait une Norvégienne qui n'était pas dans le coup jusqu'à présent et dont ils vont finir par se méfier pour les JO, c'est Thierry Lekhoff, la Norvégienne qui l'emporte sur le sprint, alors que je crois elle avait pris un dossard 70-71, enfin impressionnant. Comme son âge, non? Je sais pas. Non, elle est très jeune. Je suis pas sûr qu'elle soit si âgée que ça, à tirer les coffres pour le coup. Ah, parce qu'elle a mélangé avec quelqu'un d'autre. Mais ouais, il s'inquiétait vraiment pour elle pour les JO. Après, ça a été plus du classique sur la poursuite et la mass start, avec la victoire dans la poursuite de Laura Dallmayr, qui avait tout écrasé l'année dernière, qui avait du mal à mettre dans le mille jusqu'à présent, mais peut-être un peu à l'image de Martin Fourcade, sera prête pour les JO. Anaïs Bescon sur la poursuite 8e, Marie Dorin Haber 13e, Anaïs Chevalier 15e. Et sur la mass start, c'est Daria Dormracheva qui l'emporte devant Anastasia Kuzmina, d'ailleurs j'ai découvert qu'elle est la sœur d'Anton Tripoulin, qui est également un athlète très fort côté masculin pour les JO, et devant Kaisa Makarainen, la finlandaise leader du classement général. Et par contre en master ça a été compliqué, Célia Emonier la meilleure française 14e, et Justine, et c'est même pas Justine Breza, je me trompe, mais il y a une autre française qui est 20e, donc ça a été compliqué effectivement. Autant on est content chez les hommes, mais un peu plus inquiet, à part pour Anaïs Bescon, côté féminine dans le biathlon. Le patinage, parce qu'il y a eu encore record du monde. Il y a eu encore record du monde, puis c'était les championnats d'Europe. Ça peut te surprendre, championnat d'Europe avant les JO, mais c'est ainsi. Mmh. Donc record du monde pour Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron, dont on parle souvent, mais qui sont une grosse chance de médaille d'or aux JO d'hiver pour la France. Sacré champion d'Europe pour la 4e année consécutive avec un nouveau record de monde. Ils battent leur propre record d'ailleurs de 203,16 points à Moscou, donc en dedans sur glace. Je crois que ça fait 3 fois qu'ils battent leur record du monde en peu de temps. Là. Puis là, moi ce que je trouve bien, c'est que c'est vraiment sur des championnats d'Europe. La dernière fois, c'était, je crois, sur un Grand Prix à Saitama au Japon. Donc là, ils montrent qu'ils sont capables sur une épreuve aussi importante de répondre présent. Okay. Je te laisse quelques secondes sur le ski de fond, c'est ça Je vais donner un petit résultat qui peut être impressionnant pour féminine en patinage. C'est celle qui l'emporte chez les filles à 15 ans. Anina Zakitova, et il emporte devant une autre russe, Evgenia Medvedeva, qui est championne du monde, qui a 18 ans. Donc, presque âgée, tu vois. On peut avoir le même style de duel qu'à Nagano avec Michelle Kwan, qui avait été battue alors qu'elle avait 15 ans, qu'elle avait 18 ans. Ouais. Par encore plus jeune. C'est assez fou dans cette discipline. Un remake. Et donc, par contre, alors ski de fond, je vais aller très vite parce qu'il n'y a pas eu de podium côté français à Planitza, donc je ne veux pas faire le chauvin, mais on va s'y intéresser. Il y a eu du classique, des Norvégiens devant des Suédois ou des Suédois devant des Norvégiens. On ne va pas vous citer tous les noms. C'est les Guibaud, quoi. Puis nous n'avons plus vraiment le temps, mais par contre, je souhaitais parler du combiné nordique où les Français terminent 4e de l'épreuve par équipe. Donc, sait-on jamais pour une médaille. Ils ont plus de mal en individuel, mais il y a un bon niveau d'équipe globale, donc à voir s'ils sont capables d'aller chercher une médaille avec quelqu'un qui avait quand même bien performé par le passé, c'est Jason Lamy-Chapuis qui a été champion olympique qui revient aux affaires. Alors il est plutôt dans une autre position maintenant, mais pour aider justement avec son expérience pour aller chercher une médaille olympique peut-être pour la France. Ouais. Bien, on va devoir accélérer parce qu'on va devoir parler de 3 gros événements. Australian Open, Dakar et championnat d'Europe de handball. Mmh. On va commencer par la boxe et le Dakar. Tu parles vite fait de la boxe, moi je parle du Dakar. Je vais très vite sur la boxe. Bon, à l'international, c'est Errol Spence, le jeune qui a confirmé son titre IBF des poids Walter contre Lamont Peterson qui commence à être sur la fin. Et sur le plan national, on est un petit peu mitigé en France parce qu'il y a eu quand même 2 belles performances. Celle de Marvin Petit qui gagne en poids léger sur un titre intercontinental contre Kasmi. Et Mohamed Mimoun, surtout, c'est le plus important, qui gagne un titre IBO mondial, là, vraiment, donc contre l'Argentin Rodriguez. Mais ça a été cette réunion qui est la grande réunion du promoteur Malamine Koné, qui est accompagné par Canal et qui se passe souvent pas loin du centre de Paris. Là, c'était à Levallois-Perret. Et par contre, ça a complètement dégénéré entre 2 clans de boxeurs. Donc, c'est très dommageable parce que bon, ça peut arriver toujours en boxe. Malheureusement, ça salit toujours le sport. Mais là, ça arrive sur une des plus grosses réunions françaises, tout simplement. Donc, c'est quand même assez regrettable. Surtout qu'en plus, c'est pas une petite bagarre, quoi. Si vous pouvez voir les images, c'est vraiment une. C'est sorti du complexe et tout. C'est une guerre civil en plein complexe quoi, donc ils ont été obligés de sortir les gens de la salle parce que ça dégénérait vraiment, donc ça c'est très regrettable pour la boxe. Pourtant la soirée était plutôt pas mal partie quoi. Pour moi donc le Dakar pour l'un donc c'est un renouveau et c'est une première, à savoir Carlos Sainz avec son copilote Lucas Cruz et Mathias Wolkner l'Autrichien sont sortis vainqueurs du 40e Dakar respectivement en auto et en moto. Donc sur 4 roues le duo espagnol s'est classé 9e de la 14e et dernière étape remportée par le sud-africain Gignel De Villiers de Toyota samedi à Cordoba. Il s'agit donc de la deuxième succès de l'ancien champion du monde de rallye après son succès en 2010 sur une Volkswagen. Au classement, donc, Carlos Sainz devance le Qatari Nasser Al-Attiyah de Toyota de 43 minutes et 40 secondes et De Villiers, donc tu l'as dit, de 1h16 et 41 secondes. Le double tenant du titre, Stéphane Peter-Hansel sur Peugeot, a fini au pied du podium à 1h25. Voilà pour le Dakar. On va passer au handball. Puisqu'en plus ça joue actuellement et la France a semble-t-il gagné. Et la France a gagné 39-30 face à la Serbie. Donc on va commencer d'abord par la poule de l'équipe de France. Toujours plus invaincu que jamais. Hein. Je crois 5 matchs de jouer, 5 matchs de gagner. 8 points pour l'instant, donc avec 2 points d'avance sur la Croatie qui a aussi gagné ses derniers matchs. Donc la première place de la poule se jouera de mercredi entre la Croatie et la France, donc je crois à Zagreb. Ouais, match important hein, celui-là. Voilà, un match très important qui décidera de la première place, donc du fait d'éviter ou pas le Danemark. Qui pour l'instant aussi fait carton plein, qui a battu l'Allemagne hier, je crois, 26-25. Et battu l'Espagne aussi avant. Qui était notre pronostic. Exactement. Ouais, le Danemark aussi qui a battu la Slovénie, quand même, qui était un outsider aussi. Et donc pour l'instant, Danemark est premier, l'Espagne est deuxième de la poule numéro 2. L'Allemagne est troisième avec le même nombre de points que l'Espagne, c'est-à-dire 4. Tandis que dans le groupe de la France, comme je le disais, la France est à 8 points, la Croatie à 6. Et donc il nous restera encore quelques gros chocs. C'est l'Allemagne-Espagne. On en parlera en agenda surtout. Je crois que non, ça sera mercredi. Ah voilà. En même temps que Croatie-France et Suède-Norvège. Donc pour l'instant, si on s'en tient un peu au classement actuel, on devrait avoir la France, la Croatie, l'Allemagne et l'Espagne qualifiés. L'Allemagne et le Danemark, pardon, qualifiés. Très rapidement, les favoris pour ce championnat d'Europe. Je pense pour moi la France déjà. Danemark aussi, deuxième meilleure défense. Danemark, mais je mettrai aussi la petite pièce sur la Croatie. Il faudrait se méfier de chez elle. En fait, franchement, tu me demandes aussi un favori. Il y a beaucoup de monde. Allemagne, Espagne. C'est vraiment plus dense que jamais. On oublie aussi l'Allemagne. Voilà. Qui est pas mal aussi. Si je devais citer, un petit favori, ça serait Danemark, la France. Parce qu'avec la profondeur de banc qu'on a, quoi. Mais sinon, ça sera compliqué. Et puis la Norvège aussi. La Norvège, mais qui aura un petit peu de mal à passer en sachant qu'ils sont inclinés face à la Croatie de 4 points hier aussi. Donc la Croatie, à mon avis, sera dans les deux premiers. Donc ça va être passionnant pour le Hollande. Là, vraiment, on verra ce dont l'équipe de France est capable dans le money time de la compétition. Quoi. L'équipe de France a gagné tous les 4 ans. Donc normalement, c'est cette année. Il gagne assez rarement les Coupes d'Europe aussi. Termine avec l'Australian Open pour ceux qui ne dorment pas la nuit, parce que c'est la nuit pour la fin. Voilà. On les rediffuse. C'est la nuit qui l'emporte. Oui, qui l'emporte. Un peu dans la matinée aussi. Ouais, qui se levait à 5h du matin. Les lève tôt, très tôt. Ouais. Les boulangers jouaient. À noter juste que à l'Open Sud de France, Lucas Pouille est la première wildcard de l'Open Sud de France, pour ceux qui ne savent pas. Ah bon, c'est qui ça? Un gars. On a gagné la Coupe Davis. J'ai vu en Coupe Test l'année dernière, je crois. Je l'ai eu. Vincent, je t'en prie. J'ai mis 2-2. Non, pour l'Open d'Australie, on va commencer par les dames. Honneur aux dames. Donc chez les Françaises, un petit peu un Open d'Australie quand même un peu raté, j'ai l'impression. On voit Kristina Mladenovic qui continue sa belle série d'éliminations au premier tour. J'ose même plus dire quelque chose en fait. Voilà, Alizé Cornet qui fait un troisième tour, mais terrassé par la chaleur, c'est ce qu'elle a dit. Ça, c'est souvent les Français, ils la sortent celle-là. Il fait trop chaud en Australie, ils disent souvent. Ouais, après, c'est vrai que ce jour-là, il faisait particulièrement chaud, il faisait 40 degrés. On a discuté avec Romain tout à l'heure. Ceux, ils sont pas habitués à la chaleur, c'est pour ça, les pauvres. Voilà, Caro Garcia, qui était notre meilleure chance, qui a éliminé ce matin, ce matin face à Madison Keys. Dans la logique, peut-être, parce que. C'est pas n'importe qui, mais elle était mieux classée. Donc, sur les tendances, normalement, elle aurait dû. Après, je pense qu'elle a eu sa préparation un peu tronquée, Caro Garcia. C'est un peu chaud aussi, là. Non, c'est pas qu'il faisait chaud, Guillaume, ne cherche pas. Tu peux pas critiquer Caro Garcia après la fin de la de non, saison qu'elle a fait l'année dernière. L'impératrice de Chine. Voilà, notre. Mais il faisait pas trop chaud en Chine, c'est peut-être pour ça qu'elle a gagné. Voilà, donc. Je pense qu'elle a eu un peu sa préparation tronquée parce qu'elle a terminé l'année dernière, un petit peu blessée, tout ça. Donc voilà, ensuite, parmi les principales favorites, je cherche mon petit papier. Donc on a eu l'élimination de Garbini Muguruza au deuxième tour. Donc c'est une grosse surprise. C'est surprenant. Voilà. L'Australie ne lui réussit pas trop. L'élimination de Venus Williams, qui était aussi finaliste l'année dernière. Ouais. C'est Venus qui se fait sortir par la prodige ukrainienne, non ? La jeune de 15 ans ? C'est illisible, c'est pas elle qui se fait. Ah, je sais pas, peut-être. C'est Venus, mais. Kostyuk, non, c'est pas. Ouais, il y a une... cette jeune de 15 ans qui a passé quelques tours. Qui sort Williams, non. Je sais pas, à vérifier. Peut-être j'ai pas... que je confonds. Voilà, on voit qui je suis en tennis. Les gars, on accélère s'il vous plaît parce qu'on est vraiment très en retard. Voilà, donc sinon, les deux premières têtes de série, Simona Halep et Caroline Wozniacki, qui assure, enfin Alep qui a fait son troisième tour assez légendaire face à Lauren Davis en plus de 4 heures de jeu qui se termine 15-13 au troisième set. C'était donc beau, un très très gros match. Et voilà, et Wozniacki aussi très impressionnante. Il me semble que ce sera le pronostic. Voilà, moi je mettrais bien une petite pièce sur la Danoise pour qu'elle gagne enfin son. Cette année, elle est. Son premier grand chelem. Peut-être sur la lancée du Masters. Ouais. Voilà, de temps en temps, numéro 1 mondial, mais aucune victoire. Numéro 1 mondial sans avoir gagné de grand chelem. Peut-être que là, ça va à 27 c'est ans. C'est motivé, ouais. Elle, c'est le moment. Elle a été demandée en mariage cet hiver, ça va peut-être la. Lancer une nouvelle dynamique. Désolé de couper les dames, mais on doit passer aux hommes cette fois-ci. D'accord, pour les hommes, pareil pour les Français. Et chaleur aussi, pas assez de séances d'UV dans la prépa. Non, mais aucun français en deuxième semaine. Bon, je pense que c'est assez général. Voilà, l'âge avançant de nos anciens, enfin mousquetaires et Lucas Pouille qui n'assure pas, qui n'a toujours pas gagné un match en Australie depuis le début de sa carrière à l'Open d'Australie. Voilà, après. Sinon, les défaites de Tsonga et de Gasquet, pour moi, elles sont pas totalement illogiques. Ou Gasquet face à Federer, voilà, il pouvait pas faire grand chose. Tsonga c'est un peu plus regrettable. Ouais. C'est un peu plus regrettable, mais il perd non plus sur trois tie break. Ouais, il gagne un set au final. Ça se joue sur quelques points, donc tu l'analyses qui comme perd. Tu veux. Oui. Voilà. Libre aux auditeurs de faire leur choix. De faire leur choix. Après, pareil, pour les favoris, Djokovic qui a perdu, enfin, est-ce qu'on pouvait le mettre comme un favori, je ne sais pas, mais il a perdu ce matin face à ce jeune sud-coréen très, très surprenant. Après, ça, pas un tube de l'été, enfin un tube de l'hiver plutôt. Mais. Voilà, fin de l'été en Australie. Fin de l'été en Australie pour le coup. Ouais. En conclusion, qui reste-t-il en tant que favori pour l'Australian Open? Donc en bas de tableau, plus grand monde, si ce n'est le grand favori Roger Federer, donc qui affrontera mercredi Thomas Berdych. Mm-hmm. Déjà un choc intéressant. Qui sera l'Open Sud de France. Voilà, qui sera l'Open Sud de France. Dans l'autre quart de finale en bas, ça sera donc Tennis Sandgren face à Chung, donc Chung, ouais. de Djokovic. Donc un quart de finale surprise et donc un demi-finaliste surprise aussi. Aussi ouais. S'il faut trouver un peu plus dense, ça, c'est en haut du tableau que ça se passe. Donc avec Nadal qui affrontera demain matin Marin Cilic, qui est très impressionnant. Aussi celui-là. Ça c'est le match à suivre. Ouais. Ouais, ça va être un très gros match. Cilic, il est très costaud au service. Quand on sait les dégâts qu'il peut faire. Ça va être très intéressant ça. Voilà, et donc Dimitrov face à Kyle Edmund. Donc normalement plus facile pour Dimitrov pour affronter le vainqueur de Nadal, Cilic. Donc une grosse demi-finale encore. Ça c'est sûr. Peut-être le remake de l'année dernière. Dimitrov qui a eu un peu de mal, qui a fait un premier tour compliqué ou un deuxième, je sais plus, face à McDonald's ou ouais, un deuxième tour McDonald's. Bon, voilà, tranquillement. Très bien. Je suis désolé de couper un peu le tennis, mais de toute façon, on va bien en reparler dans les semaines qui arrivent avec l'Open Sud de France et la finale. Vu qu'il y a l'Open d'Australie, ce sera dimanche. Ah, j'ai cru avec la finale de l'Open Sud de France. Non, la finale de l'Open d'Australie plus l'Open Sud de France. Voilà. Qui arrive. Les deux. On va passer à notre première pause musicale. On a un petit quart d'heure de retard quand même. On va régler ça tout de suite, vous inquiétez pas. Rapide. On passe à notre première pause musicale. Du coup, c'est les Rolling Stones, c'est le remix de Soul Wax. Et donc, c'est le titre You Can't Always Get What You Want. C'est pas FIFA ni Team, ça. I saw her today at the reception. A wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, you might find. Sur Sport and Chill, c'était donc les Rolling Stones, c'était le remix de Soul Wax, et donc c'était le titre You Can't Always Get What You Want. On va passer tout de suite au résultat. C'est l'original, hein. Ouais, c'est vrai, mais bon, le remix est sympa aussi. On va passer tout de suite au résultat montpellier. Sport and Chill, le sport montpellierain. Je fais les résultats rapides du sport montpellierain. On va prendre un peu de temps là-dessus. Le MHSC féminin, il y avait la trêve internationale, donc pas de match. Donc c'était France-Italie au stade Vélodrome, un partout. Pareil donc pour le MHB au hand, vu que c'est la trêve, enfin c'est le championnat d'Europe de hand. Et donc le futsal aussi, qui avait pas de match ce week-end. Donc concernant les clubs qui ont joué, donc le MHSC masculin, victoire 2-1 in extremis face au TFC dans le derby de l'Occitanie. Qui a coûté cher à Pascal Duprat d'ailleurs. Qui a coûté cher à Pascal Duprat. Et Montpellier, Yacine, bah, je l'ai vu aussi, mais Yacine également. Qu'est-ce que tu peux nous en dire là-dessus? Est-ce que c'était mérité la victoire in extremis pour Montpellier? Bah, j'ai juste envie de dire que les deux équipes ont quand même produit beaucoup de déchets techniques, mais qu'à la fin, évidemment, Montpellier a mérité, parce qu'ils ont quand même beaucoup plus montré que Toulouse malgré les énormes défauts techniques qu'on a pu trouver de part et d'autre, et que Toulouse, on peut dire quand même dans toute impartialité qu'ils ont joué un peu un jeu dangereux en voulant tenir le résultat, en accumulant des grosses fautes, et puis à la fin, bon, but à la dernière minute qui pour moi concrétise le karma, quoi. Oui, qui concrétise un match moyen de la part de Montpellier, mais qui était quand même supérieur à Toulouse. Avec un beau but de quand même de Djaniboula, oui, un but de 30 mètres à peu près. Quand on voit les joueurs qu'il y a à Toulouse, quand même, ils ont rien à faire là. Enfin, ouais. 19e de Ligue 1. Ouais, mais quand on voit le jeu de Toulouse, on se dit qu'ils pourraient mériter, pourraient faire mieux. Puis encore une fois, il est souligné encore la grosse prestation des deux latéraux montpelliérains, Aguilar et Roussillon, qui plus que jamais avec le compte s'affirme comme les meilleurs joueurs de l'équipe. Roussillon qui a dit qu'il restait jusqu'à la fin de la saison. Il y avait des rumeurs qu'on pouvait aller partir. Et le jour où ils partiront, ils se vendront très cher. Laurent Nicolas a dit que personne ne partirait normalement. Il va essayer de bloquer tout le monde. Pour l'hiver ou pour l'été? Pour l'hiver, là. Ah, parce que pour l'été, à mon avis... Pour l'été, ça sera compliqué, si apparemment Marseille s'est déjà mis sur Aguilar. Donc, il y a aussi en Sica. Les buteurs, je vous ai oublié de vous le dire, donc c'est Junior Sambia qui a fait un beau match aussi, d'ailleurs, le récupérateur. Qui enchaîne plutôt de bonnes prestations, d'ailleurs. Qui a été un peu limite à la fin, bon, il est un peu fatigué, normal. Puis Giovanni Sio, qui quant à lui a fait un match très moyen, mais qui a constaté à marquer le but de la victoire. Était clutch. Un peu chanceux. Était clutch, voilà. Donc, on passe au MHR et défaite du MHR. Défaite très frustrante, puisque première période vraiment très intéressante de la part du MHR, et puis après en un quart d'heure on s'écroule, et puis le Leinster fait sa loi. Défaite 23 à 14 et donc élimination de Coupe d'Europe. Ouais, non, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que pour être allé effectivement à ce match, c'est surprenant parce qu'on voit que Montpellier au début est un petit peu en difficulté, mais de manière assez normale hein, contre le Leinster, même si je trouve ça regrettable de rater aussi souvent les entames de match, surtout sur des gros matchs comme celui-ci où ça pardonne pas. Mais derrière, voilà, on a l'impression qu'on est revenu dans le match, qu'on peut avoir une seconde mi-temps très intéressante où, suivant les résultats, après rien n'était entre nos mains. Et on voit qu'Exeter ne s'est pas qualifié non plus en étant deuxième, mais on avait une chance éventuellement de se qualifier, et on craque direct au retour de la seconde période, et puis rideau, on avait l'impression que l'affaire était entendue et que presque on acceptait de perdre de cette manière là à domicile. Moi j'ai vu deux équipes très différentes, c'est-à-dire qu'on est une équipe pourtant avec des joueurs qui commencent à jouer depuis un moment chez nous, qui sont des joueurs d'expérience de haut niveau, mais à l'inverse on n'a pas vraiment justement une équipe qui a un collectif encore habitué ou du moins assez discipliné sur des échéances de haut niveau comme celle-ci, alors que le Leinster, il n'y avait pas que des noms hein, dans cette équipe, mais est plus que rodé pour ce type de rencontre. Est-ce et l'a prouvé une nouvelle fois. Notre numéro 9 qui fait défaut, quand on n'a pas Payog. Quand on n'a pas Payog, effectivement, déjà le jeu s'accélère beaucoup moins, et on est beaucoup moins créatif. Moi, j'étais content qu'on retrouve Juan Pinard, parce que je me suis dit qu'on avait un joueur d'expérience, et que Aprasidze, même si j'étais bien content de découvrir ce géorgien, ne pouvait pas faire l'affaire à un tel qui niveau. Qui rentre à la fin, hein. Qui rentre à la fin, mais je trouvais que Juan Pinard avait fait pas mal de mauvais choix et un jeu qui permet pas vraiment, par exemple, à un 10 comme Aaron Cruden de s'exprimer vraiment. Il y a des moments où il y avait effectivement des coups à jouer, où on a l'impression qu'il joue dans le mauvais sens. Donc Payog manque très certainement, oui. Vas-y rapidement, Vincent. Est-ce que c'est pas inquiétant ça, ce que tu viens de dire sur Montpellier, parce que Jake White a quand même été viré entre guillemets pour le manque de cohésion qu'il y avait dans l'équipe, tout ça. Puis là on se rend compte finalement qu'avec Verne Cotter, dans les grands matchs on n'est pas forcément là. Enfin, en Coupe d'Europe, on gagne que deux matchs à Glasgow, on gagne qu'un seul match à domicile. Vu l'effectif qu'il y a, moi je trouve ça quand même assez inquiétant. Donc là pour l'instant pour le championnat ça se passe bien, on est premier ou deuxième, je sais pas, mais peut-être par rapport à la faiblesse du championnat cette année. Oui, la faiblesse du championnat, mais peut-être comme Johannes Bö, peut-être un peu près trop tôt. Qu'est-ce qu'on va faire quand les grosses échéances arriveront en mai-juin, quoi. Ouais, enfin, déjà, ce que tu dis, moi, ça m'inquiète un petit peu. Même pour le top 14, ça peut être compliqué. Enfin, en tout cas, il faudra hausser notre niveau de jeu. Après, c'est pas la même compétition. C'est une compétition qui peut mieux réussir peut-être au jeu de Montpellier. Mais ce que j'ai remarqué, effectivement, c'est aussi quand on se fait contrer sur nos points forts. Ça a été le cas au travers de ce qu'a proposé le Leinster, qui est excellent dans les rocks, et notamment aussi qui a pu nous mettre un essai sur ballon porté. Mais on perd nos moyens. On n'est pas capable de proposer de nouvelles solutions. Après, est-ce que sur la durée de la saison aussi, ils vont mieux se roder dans cette perspective? C'est tout ce qu'on espère, mais il faudra montrer plus de choses pour scorer. Et puis effectivement, en Coupe d'Europe on perd trop souvent à domicile, ça se répète année après année, et déjà qu'il faut au mieux finir premier ou dans les meilleurs deuxièmes, et donc on n'a pas beaucoup le droit à l'erreur. Mais alors à domicile on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. En Coupe d'Europe on a perdu deux fois sur trois, c'est pas possible. C'est quand tu vois que pour notre première Coupe d'Europe on fait quand même match nul à domicile face au Leinster, tu te dis là on est censé avoir une meilleure équipe, il y a plus de Français donc qui sont soi-disant tous mauvais machin, puis là on se rend compte que on perd face au Leinster qui à mon avis n'est pas aussi bon qu'en 2011-2012 quoi. Ok, très bien. Je suis désolé de couper les autres chroniqueurs, mais on n'a pas le temps. Je suis frustré. Frustré, Guillaume, je le sais. Rugby féminin, donc match avancé, et donc MHR féminin s'incline étonnamment contre Blagnac 30 à 14. Ce qui fait que les Coccinelles, qui avaient repris la tête du classement en top 8, relâchent la position, donc relâchent la première place aux dépens de Villeneuve d'Ascq avec 2 points de retard sur les filles du Nord. prochain match, j'ai marqué gros foutoir entre parenthèses, parce que déjà un match avancé de la journée 15. La fois prochaine, là ils sont à la 11e journée techniquement. Ah d'accord, ok. Et la fois prochaine, je crois que c'est la journée 13. Et puis après, ça va revenir à la journée. C'est n'importe quoi. Futur. Du coup, bon, c'est Stade Rennais et ma chère féminin. Le 18 février. Voilà. Sacré affiche. C'est ce que j'ai trouvé. L'effet Gourcuff peut-être. Ouais, c'est incompréhensible. Parce que, comme fait le Stade Rennais en football, quoi, en fait. Bon, là, je m'excuse pour le bel et mal basket féminin parce que j'ai noté double défaite des Gazelles cette semaine. Donc, les Italiennes et Charleville-Mézières en championnat. Puis, j'ai pas marqué de score. Donc, peut-être parce que j'étais frustré du résultat. Ouais, je sais pas. Je comprends aussi les Gazelles qui sont touchées comme ça. Prochain match, peut-être ça va remonter un petit peu puisque, donc, mercredi, elles reçoivent Cracovie à domicile. Donc, pour la Coupe d'Europe en Euro Ligue, et samedi elles reçoivent Villeneuve-d'Ascq à domicile également pour la 13e journée de LFB. C'est plus jouable déjà. Pour le volley, donc premier beau résultat de Montpellier ce week-end, pardon, avec donc après deux succès probants en déplacement, dont le dernier en date mardi en Coupe d'Europe, Montpellier s'est offert une victoire de prestige 3-7-1 contre le champion en titre et le leader, enfin l'ex-leader du coup du championnat cette année, à savoir Chaumont. C'est la 6e victoire consécutive, toute compétition confondue, pour Montpellier. Donc au classement de la Ligue A, Paris prend la première place grâce à donc à cette défaite de Chaumont, qui est deuxième à présent. Le Montpellier, donc volé, est 5e égalité de points avec Poitiers, sachant que les 3e et les 4e sont à un point seulement juste devant Montpellier. Donc Montpellier fait une grosse remontée au classement et s'assure les playoffs, donc il faut terminer dans les 6 premiers pour les playoffs en Ligue A. Prochain match, vendredi 26 janvier, en déplacement à Nice pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. L'équipe qui nous avait éliminé l'an dernier. Exactement, oui. Nice qui est mal classé cette année, donc peut-être un peu plus jouable. J'espère. En waterpolo, deuxième belle victoire, puisque c'est une victoire aussi contre les leaders du waterpolo, Strasbourg. 8 buts à 5. Ce dernier, donc leader de Pro A, était invaincu avec 8 victoires en 8 matchs. Et donc Montpellier est venu là pour les en empêcher. Bon, comme donc quoi, on nage aussi à Strasbourg, tu vois. Une victoire d'espoir donc pour la première de 2018 et qui conforte la 4e place du Montpellier Waterpolo au classement. Malgré une avance considérable encore de Strasbourg en tête du classement, Montpellier peut revenir sur le podium avec Aix et Marseille qui trustent les 2 et 3e places. Prochain match le 3 février à domicile à Antigone contre Nice également. Et dernier résultat, victoire des Vipers en hockey, victoire 9 à 1 contre Limoges, 3e place confortée devant 1140 spectateurs à Vegapolis. Dernier match de la saison régulière à domicile ce samedi, samedi 10 février contre Chambéry. Donc ce qui se passe à présent, ça va être les playoffs bientôt en hockey. Les 8 premiers de la poule A et donc les 8 premiers de la poule B vont s'affronter en élimination directe en 8e des finales, sachant que c'est des poules à 10, il y a peu de marge d'erreur, c'est-à-dire les 8 premiers sur 10. Ouais, faut enclencher, quoi. Et c'est vrai que l'année dernière on était passé pas loin, et alors que cette année on a eu du mal au début, et là on enchaîne bien, donc espérons qu'on reste sur la même dynamique pour aller assez loin en playoff et pourquoi pas aller chercher la première division. Donc, ce qui va se passer, donc c'est 8e de finale, donc 3 matchs par tour, dont 2 matchs à domicile pour le meilleur classé d'entre les deux, et Montpellier qui est 3e de la poule B verra donc s'affronter donc le 6e de la poule A qui est Rouen qui va finir entre 20 et 23 points de sa poule, Montpellier entre 31 et 34, donc un peu la différence entre les deux poules. Montpellier devra aller donc en finale pour monter en première division, donc ce qui est la deuxième au hockey, puisque la toute première division c'est la Ligue Magnus. Oui. Ouais, c'est autre chose, ouais. Donc voilà, pour redevenir en deuxième division, ce serait déjà pas mal, hein. C'est tout pour le sport montpelliérain. C'est déjà pas mal. J'ai bâclé, mais bon, on est obligé de prendre un peu donné. De temps. Mais j'ai tout donné malgré les scores. Comme souvent. Les scores du BLMA. On va passer à notre débat de la semaine. Tout de suite, jingle débat. Sport and chill, le débat de la semaine. Et le débat, c'est sur le dopage. Je vais encore parler un petit peu, je suis désolé, mais je vais vous laisser la parole on un aime bon ça bout aussi, de temps. Hein. Je vais faire un petit point histoire. Histoire du dopage. C'est intéressant l'histoire, on en vient d'ailleurs. On en vient, c'est vrai que quasiment tout le monde vient de l'histoire. Tout le monde a fait des études d'histoire. C'est jeune du centre de formation de Paul Va. Même tu sais le dopage a toujours été quelque chose de défectueux dans le sport. Donc point histoire, il faut savoir que dans les Jeux Olympiques antiques, il y avait déjà des points de dopage, à savoir l'alcool, qui était considéré comme du dopage. J'ai rien inventé, vous voyez. Par la suite, on considère que le dopage s'est professionnalisé et généralisé donc dans certains sports à la fin des années 1950 et au début des années 1960 avec l'arrivée des ce qu'on appelle des sympathicométiques. des produits à activité hormonale comme l'hormone de croissance ou les corticoïdes. Sur l'épreuve d'athlétisme, c'est une anecdote assez marrante, c'est que du 100 mètres dans les années 1960, les performances connaissaient un bond en avant de se stabiliser dans les années 1970 et 80. Mais les performances redécollent dans les années 80, soit au moment où l'EPO fait son apparition. Coïncidence. Et donc voilà, on se dope pour plusieurs motifs différents. Doit-on sanctionner le dopage et dans quelle mesure ces dopages-là ? Ces dopages-là, je vous l'ai dit tout de suite, à savoir modifier la morphologie, par exemple les hormones de croissance. On peut dire que c'est une forme de dopage. Lionel Messi qui en a pris au début de sa carrière. Ou même on veut tout simplement se dépasser avec ce qu'on appelle le pot belge au cyclisme, à savoir héroïne, morphine, méthadone, c'est-à-dire plein de drogues pour se dépasser dans le sport, ou vaincre la fatigue avec les euphorisants, tout simplement de la caféine, on peut dire ça que c'est du dopage, des amphétamines ou de la cocaïne avec notre charme Hérolté. Tu connais ça, Mzar Vincent. Perdre du poids peut-être pour la boxe, on prend des diurétiques. C'est des très bons masques d'ailleurs pour des autres produits dopants, mais c'est pour du poids qu'on perd très vite. Souvent ou encore tout simplement se relaxer avant un match, alcool ou drogue qui peut être considéré comme des produits dopants. Ou alcool. Donc là, pour tout ce que je vous ai dit pour l'instant, est-ce que il doit avoir sanction? Tu n'es que chroniqueur sportif, Guillaume. Dans quel sport, dans quel cas tout simplement? C'est vrai que c'est un vaste débat déjà, oui. Où on voit qu'il y a des différences de dopage suivant les sports. On parlera des plus gros dopages après. C'est assez variable les types de façon de se doper, de ce qu'on peut considérer comme dopé, des listes de produits dopants suivant les différents sports concernés. Après, je pense que bien sûr qu'il faut lutter contre le dopage parce que c'est un peu la mort du sport à un moment. Je pense qu'on en vient carrément à accepter le dopage. Pour autant, il faut avoir conscience qu'il est là, qu'il est présent, qui fait partie de l'histoire du sport, effectivement. Et que, malheureusement, en tout cas jusqu'à présent, la lutte antidopage a toujours eu un retard par rapport aux produits dopants disponibles sur le marché. Ça, c'est bien le problème. Et ensuite, essayer d'informer le plus possible, de se méfier dans la désinformation qui peut en être faite, et notamment quand on découvre des cas suspects de dopage, parce que ça peut ruiner très vite une carrière. Chris Froome, comme ça. Je cherche pas forcément à défendre. Des fois, c'est suspect. Suspect. Sans relaxer, on l'oublie. Des fois, exactement, ouais. Et le problème c'est que ça marque une carrière jusqu'au bout. Alors généralement c'est le cas et c'est avéré, et heureusement qu'on lutte contre, mais en tout cas c'est vrai que c'est quelque chose de très compliqué aussi. Peut-être je pense qu'il faut amener à s'interroger sur pourquoi on se dope, et aussi vers où on va, c'est-à-dire dans le sport. Maintenant on fait un sport qui est de plus en plus sport spectacle, quasiment tout sport confondu, que ce soit dans les sports collectifs, que ce soit au tennis au vu du rythme des échanges des ou même au cyclisme avec la difficulté de certains parcours. Et à un moment on veut pas voir des athlètes qui galèrent, on veut voir des athlètes qui battent des records et qui vont toujours plus loin, toujours plus haut. Et quelque part je pense qu'il y a des limites humaines dont il faut se rendre compte. Alors c'est vrai que c'est compliqué parce qu'au niveau du grand public aussi, dès qu'on découvre un cas de dopage, tout le monde crie au scandale. Mais d'une autre manière, si à un moment on n'avait pas de sportifs qui battaient des records, je pense que les gens seraient moins attentifs peut-être. J'aimerais même préciser un petit peu, parce que là on parle d'une manière un peu générale pour l'instant. Est-ce que vous pensez que tout ce que j'ai dit là sur ces dopages un peu plus légers, si je peux appeler ça comme ça, doit sanctionner sur ça? Par exemple, la cocaïne, on en parlait, je vais le citer, mais on parlait de Richard Gasquet qui était pris pour cocaïne. Ouais, il avait embrassé. Est-ce qu'on peut être sanctionné pour ça? Par exemple, prendre de la drogue, tout simplement, est-ce qu'on peut être sanctionné pour ça dans le sport? Moi je pense qu'il faut, il faut différencier des cas. Après moi je ne connais pas les effets de la cocaïne sur le corps humain, fort heureusement. Ouais, c'est peut-être. Mais tu voudrais parler de la cocaïne, Games, tu vois. Voilà, ça va ce débat, écoutez. Je pense que pour le cas de Richard Gasquet, mais on peut en trouver d'autres, par exemple Michael Phelps, qui est une légende du sport et de la natation, qui a été pris, je crois, parce qu'il avait fumé du cannabis ou je sais pas quoi. Mais dans le cas de Richard Gasquet, que je connais mieux, donc c'était à Miami, et il avait pris ça juste avant un match où il avait fait la bringue toute la nuit. Donc je pense pas que prendre de la cocaïne, si vous voulez, dans l'état dans lequel il avait dû finir sa soirée, ça avait amélioré ses performances sportives. Donc il faudrait rechercher qu'est-ce qu'il avait fait le lendemain. Il me semble pas qu'il avait été loin dans le tournoi. Il me semble même pas qu'il avait gagné ce match. Donc est-ce que le fait pas la différence. Est-ce que c'est une erreur d'un type là en l'occurrence Gasquet qui, abusé, qui fait la bringue, qui alors embrasse une fille qui a pris de la coke ou qui prend lui-même de la coke, peu importe, mais en attendant il y a ça. Est-ce que ça a amélioré ses caractéristiques sportives? Je ne pense pas. Ouais, parce que c'est comme l'alcool, ça a des effets positifs mais aussi négatifs aussi pour un sportif. C'est pas forcément, ça ajoute pas forcément une performance. Pareil pour Michael Phelps, si je peux juste terminer là-dessus. Je pense pas que ce mec qui a gagné plus de 20 médailles d'or olympiques, qui est le plus grand nageur de l'histoire et l'un des plus grands nageurs et l'un des plus grands sportifs de l'histoire, pardon, il a eu ces performances-là grâce aux quelques cigarettes de cannabis qu'il a pu fumer dans sa vie. Sinon, tout le monde va en prendre, je pense. Hein. Voilà. Sinon, tout le monde aurait su. À mon humble niveau de nageur. Les effets incontestables. Fabien Barthez, avant des matchs importants, ça lui arrivait de fumer. Voilà, de fumer. Il s'en est jamais caché, d'ailleurs. Ça a été. Mais techniquement, dans la médecine, c'est considéré comme du dopant aussi. Oui, c'est vrai. C'est pour ça. Donc, pour vous, ce que j'ai compris, c'est que ça ne devrait pas être sanctionné. Oui, je trouve pas ça scandaleux. Si je veux bien parler d'un cas précis, on parlait de Messi, est-ce que pour toi, Yacine, ou même pour les autres, Thibaut par exemple, est-ce que pour toi, donc, l'hormone de croissance, c'est du dopage pour toi? Non, enfin non, dans ce cas précis, pour moi, c'est pas un scandale. Il faut pas oublier qu'à l'âge où Messi a commencé à prendre ces produits-là, il était quasiment nain. Pour son âge, oui, je pense pas que c'est un fou. Je pense pas que c'est un jeu grandement. Peut-être pris aussi. Voilà, quand on voit un peu le niveau de performance qu'il avait même à cette très petite taille à son âge à l'époque, je pense pas que c'est influé grandement, voire quasiment pas du tout sur ses performances actuelles. Il est pas devenu Messi, quoi. Moi, je pense pas. Après, je suis pas forcément spécialiste dans la question, mais moi aussi, enfin, t'avais cité aussi les diurétiques pour la boxe. Ouais. Je sais pas si t'en as un peu entendu parler. Est-ce que tu penses que ça pourrait vraiment influer ou pas pour le coup les diurétiques? Est-ce que c'est un dopant ou c'est pas plutôt une manière de tricher pour arriver plus vite à son poids. C'est une manière de tricher dans le sens où l'enjeu du poids est très important en boxe, c'est-à-dire qu'on fait toute une préparation, que ça soit sportive et alimentaire, pour arriver le jour J, le jour de la pesée, au poids, et on sait que le poids après sur un combat a énormément d'importance. Et c'est vrai que d'avoir l'influence de quelque chose, d'un produit ou quoi, qui puisse faciliter cette préparation pour arriver au poids, certains te diront, et je serai assez d'accord avec eux, que c'est un peu triché, parce que c'est l'enjeu du boxeur, c'est l'enjeu d'une préparation, c'est là où tout se joue, ça se joue la technique mais aussi le physique. C'est quand même notre débat que les hormones de croissance de Messi. Pour moi c'est plus de la triche. Parce que en plus, il va pouvoir regagner plus facilement son poids après la pesée, et ça peut être dangereux pour le combat parce qu'il y aura une vraie différence de poids. Donc là, pour la boxe, oui. Le problème du diurétique, c'est que, comme je l'ai dit, ça masque. C'est un très bon masquant d'autres produits dopants, en fait. Donc, aussi. Ouais, c'est pour ça. C'est encore plus dangereux. Ouais. Vincent, oui, avant de passer au plus gros dopage. Hein. Juste pour revenir sur Messi, j'ai une question à vous poser à tous. Est-ce que si Messi n'avait pas pris ses hormones de croissance, est-ce que vous pensez qu'il aurait fait la carrière qu'il a aujourd'hui? Déjà, il n'aurait pas été pro. C'est possible. Ça aurait rien enlevé à son talent. Après sa technique, il a toujours. Mais le problème, c'est qu'il aurait été tellement. Il aurait été physiquement, il aurait été incapable de jouer en pro. Mais ça aurait rien enlevé à son talent. Donc les hormones de croissance ont permis d'améliorer ses capacités physiques, ont permis de passer pro. Donc est-ce que vous considérez ça comme du dopage? Je pense que le débat peut être très long. Après, on devra encore s'étaler. Ça n'enlèvera jamais son talent au pied. La question, moi, elle est simple, Vincent. Moi, je parle à l'humain qui est derrière ça. Est-ce que moi, honnêtement, c'est comme ça que je réagis, même si je suis contre le dopage. Ça foutrait pas les boules qu'on perde un talent comme ça juste à cause de sa taille dans le sport, dans le football? Qu'on perde un talent aussi incroyable que Messi, qui est peut-être un des meilleurs joueurs du monde, peut-être même le meilleur, à cause juste de sa taille. Là, tu réagis comme ça parce que tu sais ce qu'a réalisé Messi dans le foot. Et oui, voilà. Bien sûr. Mais moi, j'en connais des gens qui ont pris entre guillemets, cette drogue-là. Mais c'est pas pour autant que c'est devenu des Messi. C'était juste parce que quand t'es jeune et que physiquement t'es un peu moindre, c'est pas forcément mal ça. Oui, je suis d'accord, mais aussi. Moi, je trouve ça déjà très malsain le fait de donner ça. Il faut accusé de prendre des hormones de croissance. Qui ça? Ce même débat, Peyton Manning en NFL, qui avait été accusé. Le problème, excuse-moi, enfin, je sais pas si je t'ai coupé ou pas, c'est bon. Vas-y. Je suis désolé, mais du coup on parle quand même du dopage, qui est l'amélioration par des produits illicites de capacités physiques qui sont censées améliorer tes résultats, et vous avez tous convaincu que si Messi n'avait pas pris ça, il n'aurait pas fait la carrière qu'il a fait. Donc c'est que quelque part, dans ce cas-là le cannabis c'est aussi un produit dopant, puisque on peut dire que même l'alcool, on peut se dire, Fabien Barthez, en imaginant qu'il ait fumé avant la finale de 98, est-ce qu'il aurait fait la même performance sans avoir fumé? Et là, ouais. on doute de tout. C'est pour ça qu'effectivement, le débat est compliqué pour arriver à différencier véritablement. Merci, il conclut bien à chaque fois. Oui. Non, oui, voilà, c'est compliqué d'arriver à savoir à un moment où on met le curseur. Je pense que c'est tout le contexte aussi. Le contexte et puis les époques, parce qu'effectivement, il y a des choses qui n'ont pas été interdites à une époque. Bon, les sportifs ont fait la carrière qu'ils ont fait. On ne peut pas trop les brimer pour cela. Par contre, il y a d'autres substances qui sont véritablement interdites et sur lesquelles il faut sans doute légiférer. Quelle transition. Parfaite transition. Bon, hein. Donc on est d'accord pour dire que que sanctionner, bon, peut-être pas, mais c'est une manière de tricher comme une autre. Réguler, peut-être. Oui, okay. Réguler, puis surtout quand même être patient sur, comme il l'a dit Romain, entre le moment où il y a des suspicions. Et il est relaxé ou pas, suivre l'affaire, parce que des fois, c'est vrai qu'on s'achante trop sur des mecs qui n'ont pas encore été approuvés comme dopés. Quoi. Alors donc, le plus gros dopage, c'est ce qu'on appelle des dopages par oxygénation. Donc le salbutamol, je pense que vous en avez entendu parler, donc est très utilisé dans tous les sports. Environ 70% des sportifs des JO de Lillehammer en 1994 avaient un certificat médical qu'ils autorisaient à prendre ce médicament afin de soigner leur asthme. De même, 87% des sprinteurs des JO d'Atlanta, alors qu'il n'y avait que 2,7% d'asthmatiques dans la population globale. Voilà. On retrouve donc les mêmes proportions dans de nombreux autres sports, dont le cyclisme. On en parlait avec Froome, je pense que c'est ça le subtalote qu'on a parlé. Ouais, c'était elle permet d'améliorer donc le passage de l'oxygène dans le sang et d'en apporter plus aux muscles. En fait, c'est la ventoline pour les asthmatiques. C'est le petit tweet qu'on fait. Deuxième chose, Tropéitine, je suis désolé. Vous savez ce que c'est ? C'est pas faux. Le PO est une hormone donc naturelle stimulant la production de globules rouges qui sont produits par la moelle osseuse. Il a donc été intensivement utilisé dans le cyclisme et probablement dans l'ensemble des sports d'endurance. Années 90 surtout. Et dernière donc les perfluorocarbures PFC. Donc c'est les transporteurs d'oxygène, mais ce sont des produits très dangereux. Ils ont été utilisés pourtant pour l'équipe Festina. Puis produits, si on pouvait ajouter, il y a également aussi tout ce qui est transfusion sanguine se fait beaucoup moins maintenant. Alexandre Vinokourov dans le métier. Voilà, oui également. Mais bon, pourtant, et donc, question, pourtant que j'aime beaucoup. Mais... La sanction doit-elle être différente au point de vue des sports sur ces dopages-là ? Doit-elle se faire au cas par cas ou par le dopage par oxygénation est puni quel qu'il soit ou pas ? Donc c'est pour tous les sports, est-ce que c'est universel ou pas ? Et dernièrement, est-ce que la sanction est à la vie pour ça ? Je crains beaucoup le cas par cas parce que en réalité je trouverais ça intéressant parce que effectivement suivant les sports, suivant les compétitions, il n'y a pas la même incidence. Pour autant, j'ai peur que on le fasse dans le mauvais sens. Là, on le voit avec un cas dans le cyclisme, mais ça pourrait être dans d'autres sports où il y en a certains des fois qui ont pris très cher et puis là, suivant la figure que c'est, on est en train de se dire mais quand même, est-ce que ça va pas être une grosse perte de ne plus avoir tel sportif dans notre sport pendant une telle période ou des fois l'effet inverse, la volonté de mettre une grosse sanction pour faire on va donner l'exemple, faire un modèle, alors que d'autres parfois moins connus ont pris que 9 mois par contre je pense que avis, ça à vous de voir. Par contre je considère que lorsqu'il y a eu un cas de dopage, s'il y en a de nouveau un, là il faut que ce soit à vie, ça c'est clair. Après, sur le premier coup, ça me paraît compliqué. Je crois à la seconde chance de toute façon. Donc sur ce que tu as dit, je peux réagir aux deux choses, c'est ce que je voulais dire, c'est parfait. Donc on voit par exemple au tennis, qui a dans ce que tu as dit par rapport à Froome, mais ça se vérifie aussi dans le tennis, il y a une hypocrisie totale. Enfin, par exemple, Agassi, qui a avoué dans son livre avoir pris des méthamphétamines, a été protégé par l'ATP en disant, on va pas dire qu'il est dopé, donc on va lui dire tu te reposes pendant 6 mois ou un an, je sais pas quoi. Voilà. Donc ça, il a avoué, Agassi, dans son livre. Et on voit par exemple à côté des Kidam comme Krollerer ou quoi, qui ont été suspendus à vie pour être. Donc on en a fait des exemples. La deuxième chose sur laquelle je voulais réagir, moi c'est pareil, je suis pour une seconde chance. Donc par exemple, je vais donner. Allez, deux exemples cyclisme, je suis désolé, enfin quelques exemples dans le vélo. Par exemple, David Millar, donc ce coureur anglais qui a été pris à la fin des années 90, début des années 2000 dans le dopage et qui derrière est devenu vraiment un chantre de l'antidopage et qui a beaucoup fait... Un ambassadeur. Un autre exemple, c'est Jesús Manzano, donc qui n'est pas très connu, c'est celui qui a révélé l'affaire Puerto, cette fameuse affaire de dopage en Espagne, et qui lui a déclaré donc que le dopage était institutionnalisé dans l'équipe et qu'on lui disait il faut que tu te dopes, sinon tu rentres pas. Sinon, tu t'es viré. Et donc, et vu que c'était pas un grand coureur, et c'était un peu son gagne-pain de gagner son salaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'il faisait ce mec-là, quoi. Et même en jeune, d'ailleurs. Hein, donc, il faut avoir conscience des fois que ça vient aussi des équipes. Dès le début. Et que certains, alors bon, on pourrait dire qu'ils pourraient dire, moi non, mais ils le subissent aussi. Donc, la seconde chance, j'y crois. Voilà. Donc, après, il y a effectivement cette seconde chance, pardon. Puis après, t'as des mecs comme Ricardo Rico, enfin. C'est qui s'arrêteront jamais, presque qu'ils annoncent que quand ils reviendront, ils reprendront. Voilà, Ricardo Rico, au tennis, il y a Mariano Puerta. Est-ce qu'il y a d'autres exemples d'autres avis? Ça dépend aussi, parce que il y en a la première fois, déjà, ça devrait être stop. Enfin, suivant le caractère du dopage, il y en a, ça. C'est aberrant qu'on leur laisse une seconde chance. Pour moi, il y a des cas extrêmement graves. Oui, c'est sûr. C'est au cas par cas. Voilà, il faudrait faire aussi au cas par cas. Des fois, t'en as, tu leur mets 2 ans, derrière, ils ont compris. Effectivement, quand c'est institutionnalisé, qu'est-ce qu'on fait? Mais sinon, oui, effectivement, au cas par cas, après. Non, mais t'as raison. Parce que là, il n'y a pas eu de cas par cas avec les JO, par exemple, avec la Russie. Je veux dire, tout le monde a été. Tout le monde a été puni. Là, c'est presque du dopage d'État. Ouais, voilà, c'est encore un niveau au-dessus, quoi. Ok, peut-être quelqu'un voulait réagir sur un exemple précis. En Espagne aussi, par exemple, mais faut pas le dire, ça, du coup. Deux. Pour l'Espagne. Par exemple, on dit que la Russie a du dopage d'État, mais dans tous les pays, il y a des couvertures des États. Enfin, en Espagne, on le voit avec l'affaire Puerto, le gouvernement espagnol, la justice espagnole, comment ils ont réagi, c'est une honte. Une honte. D'ailleurs, je trouve ça très compliqué lorsque tu fais bien de le dire, lorsque ce sont les pays eux-mêmes, par leurs institutions, par exemple, fédération espagnole, ou peu importe le pays, on sait que j'affectionne beaucoup l'Espagne, mais de même, qui légifère. Moi, je considère qu'effectivement, il faut vraiment que ce soit au niveau international, par contre, que ces cas soient gérés. Après, ça reviendrait aussi, moi, si j'avais aussi un avis à donner par rapport à ça, c'est que je suis d'abord d'accord pour une période probatoire. Première fois, évidemment, on te laisse une seconde chance, mais deuxième fois, comme tu l'as dit, je suis totalement d'accord avec le fait qu'on te radie à vie. Après, par rapport au dopage international ou qui relèverait de gouvernement ou de club ou d'entités sportives, moi, je pense que déjà, il faudrait d'abord s'interroger. Ça serait très compliqué de faire vérifier à 100% la probité de l'Agence mondiale antidopage, par exemple. Aussi. Ou de vérifier aussi. Non, mais après, on ne sait pas, parce qu'on n'est pas dans le secret des dieux, donc on ne sait pas quelle peut être, entre guillemets, l'allégeance de telle ou telle personne de l'Agence mondiale antidopage. De la même manière qu'on ne pourra jamais savoir quelle est l'allégeance d'un membre d'une fédération internationale de sport envers tel ou tel État. Donc tout ça, c'est très difficile Il est très difficile à faire la part des choses au départ. Et puis deuxième chose, si on veut aussi réfléchir de manière très crue, très froide, le dopage, évidemment, lutter contre le dopage, c'est très noble. En matière d'éthique, c'est très bien. Mais le souci, c'est qu'il y a tellement de d'enjeux en termes d'image de sport, et donc évidemment en termes de billetterie et d'audience mondiale, que ça serait très compliqué un jour ou l'autre de taper du poing sur la table par rapport au foot ou par rapport à l'envergure que prend le rugby, quoi. Je fais une petite question pour conclure. Où on en est maintenant, donc comment ça se fait que certains sports, on en parlait justement, les dopages sont inexistants mais pourtant bien réels? Est-ce qu'on peut parler par exemple peut-être de la NBA, mais peut-être aussi du football, voire du cyclisme, du tennis aussi, du tennis aussi. Je crois qu'il y a Novak Djokovic qui avait dit à un moment, je veux dire, il n'y a pas de test antidopage dans le tennis. C'est Roger qui l'avait dit, ça. Ouais, bon, voilà, si tu le dis, hein, si c'est Roger, c'est le maître qui a dit. La parole d'évangile. Vas-y, je t'en prie, pour la NBA. Ben nous, en NBA, déjà l'an dernier, on a eu Noah qui a pris une vingtaine de matchs pour des compléments alimentaires. Et puis justement, à ce sujet-là, c'est George Kahl, un baroudeur, qu'il soit en joueur ou en entraîneur de NBA, qui est très connu, qui a parlé à ce sujet-là, justement. Il disait que, en gros, je veux parler des produits qui améliorent les performances des joueurs, comme les stéroïdes, les hormones de croissance. Et il est évident que certains d'entre eux se dopent. Comment se fait-il que des gars arrivent à être de plus en plus fins et en forme physiquement alors qu'ils vieillissent? Comment font-ils pour récupérer aussi vite de leurs blessures? Et qu'est-ce qu'ils vont foutre en Allemagne pendant les intersaisons? Je doute que ça soit pour la choucroute. Et là, il enchaîne parce qu'il s'est lâché en fin de carrière. Il a réussi à tout donner, à lâcher la langue. Malheureusement, les contrôles antidopage semblent avoir quelques longueurs de retard sur les produits masquants. Pour ce titre, Lance Armstrong n'a jamais échoué à un contrôle. Je crois que nous voulons voir les meilleurs athlètes gagner et non les plus grands et riches escrocs engranger les meilleurs scientifiques. mais je ne sais pas quoi faire à ce sujet. Donc en gros, il soulignait aussi que bah, par exemple le basket, où évidemment la part physique est très importante, on voit des athlètes de plus en plus forts et musclés, hein, concrètement, même à des âges avancés, il se demandait pourquoi il n'y avait pas autant de contrôle qu'en NHL ou en NFL, par exemple. Il y a une grande hypocrisie en NBA. C'est vrai qu'en NBA, il y a une vraie souplesse au sujet du dopage. Ils annoncent lancer des grands combats antidopage, et au final, les seules suspensions, c'est des suspensions pour avoir manqué à des contrôles. Ouais. C'est l'exemple de Monta Ellis et de Reggie Bullock il y a un peu moins d'un an, qui avait manqué à 2-3 contrôles et qui avait été suspendu 5 matchs. Et voilà, il y a Joachim Noah qui a manqué 20 matchs. Sérieux, ouais, c'est, voilà, c'est pas proportionné. Ouais. Dans vos sports respectifs, football, tennis, est-ce que c'est à peu près la même chose ou pas au niveau du dopage? Moi je citerai l'exemple de la Juve, hein, dans les années 90, parce que ouais, c'est le plus parlant. Et le souci, c'est qu'il y avait prescription entre 94 et 98. C'est l'époque où la Juve a eu recours à 281 médicaments différents. Souvent malade, enfin, dans le nord de l'Italie, hein, voilà, fait froid. Et en fait, l'enquête a été instruite par un juge de Turin qui a décidé de faire ça un mois après la révélation de l'affaire Festina. Et donc, il a mené l'enquête, ça a pris 3 ans. Et il s'est avéré que le médecin en chef, qui était Ricardo Agricola, qui n'est strictement pas connu de nos jours, a écopé d'un an et demi de prison ferme. Mmh. Alors évidemment, 280 médicaments, ça nous laisse un énorme panel de médicaments divers et variés. Donc, on peut pas se dire que c'est un effet boule de neige sur l'affaire Festina, et puis au final, dans le foot, il n'y a rien du tout. Quoi. Déjà oui, parce qu'on a beaucoup parlé de l'affaire Festina, et on en parle encore beaucoup. Mais l'affaire de la Juve, évidemment, on en parle peut-être en Italie, ça se sait aussi à l'international, mais on ne l'évoque pas plus que ça. Mais en termes d'ampleur de médicaments, c'est absolument énormissime. Ça part des simples anesthésiques locaux à des perfusions de vitamines. Il y a aussi un médicament dont Zidane avait eu besoin à l'époque, qui était ce qu'on appelait l'ésophosphina. Alors pour le coup, ça a aidé à lutter contre la malnutrition ou l'insuffisance respiratoire. Toujours cet asthme. Voilà, le secret asthme dont apparemment c'était aussi la totalité longtemps. Les sportifs ont de l'asthme, et en plus ils n'ont pas assez à manger. Voilà, donc apparemment tous les Turinois étaient atteints d'asthme à l'époque. Pourtant, ils n'avaient pas fait les jeux de Lillehammer. Hein, voilà. C'était aussi des stimulants cardiaques, etc. Donc 280 médicaments. Ouais, et en fait. Ce qu'avait avancé Zidane à l'époque, c'était que oui, il avait reconnu qu'il avait bénéficié de perfusion à la créatine, mais l'argument qu'il avait avancé, c'était tout simplement que c'était absolument indispensable pour un professionnel à ce niveau-là, car jouer 70 matchs sans avoir besoin de ce genre de médicaments, c'était absolument impossible. Vu la pression médiatique et financière quand les joueurs... Voilà, et puis avec l'entraînement bien connu de la Juve à l'époque, qui était très physique et très... très très soutenu. Mais l'intensité des enchaînements, c'est... Ok, on termine avec peut-être le tennis du coup. Hein. Oui, pour le tennis, moi je vais juste donner un exemple pour savoir où en est la lutte antidopage dans le tennis. Donc je vous ai donné l'exemple d'Agassi tout à l'heure qui disait que l'ATP couvrait les joueurs. Maintenant, je vais vous parler de Federer. Donc, il a déclaré un jour dans une interview qu'en 2012, il gagne 3 tournois en début d'année consécutivement, donc Rotterdam, Dubaï et Indian Wells, et il dit que pendant cette période, il n'a pas été contrôlé une seule fois. Ouais. Voilà. Donc après, libre à vous pour le tennis. On saura pas. Mais après, voilà, il y a un doute. Mais pour vous montrer que dans le tennis, même quand les mecs gagnent, donc là, voilà, 3 tournois d'affilée, c'est sur 3 semaines. C'est là que c'est incompétent. C'est 15 matchs. Ouais. Le mec, il est pas contrôlé une fois. Tu te dis, mais c'est comme ça pour tout le monde ou c'est. Non, c'est vrai que c'est. On termine avec Romain, peut-être sur un exemple concret. Différent ou pas. Qui s'est dopé d'ailleurs, Romain, jeune. Ouais, plutôt sur une conclusion, parce qu'effectivement, on avait d'ailleurs la crainte, et c'est bien qu'on le relève, qu'en tout cas, c'est le cas dans tous les sports. Malheureusement d'ailleurs, avec Vincent, c'est que ce type de débat souvent tourne qu'autour du cyclisme. En fait, c'est un débat vraiment global dans le sport, et tu le relèves depuis l'histoire du sport. Il y a des sports dans lesquels on lutte beaucoup contre le dopage, d'autres peut-être pas assez. Et en tout cas, il faut plus informer sur le sport et sur le dopage dans le sport pour vraiment comprendre ces enjeux. Je trouve que c'est une bonne chose. Et donc, sachant que nous sommes des comment des dire, non pas des dopés, mais des passionnés. passionné aussi ou ancien passionné d'histoire, bah, Yacine Feuillette, oui, je vous ai ramené un petit conseil de lecture. En plus c'est assez intéressant parce que ça fait le lien avec la petite histoire que nous faisait Flo. Alors après c'est sans doute aussi teinté d'idées politiques derrière ne serait-ce que le titre, mais c'est un ouvrage qui s'appelle La société dopée, qui a été mis aux éditions Seuil, je crois, de deux auteurs qui sont profs de sciences politiques aussi à côté, qui sont Jean-Jacques Gouguet et Jean-François Bourg, que je n'ai pas lu encore en entier, mais en tout cas qui est assez intéressant pour aussi faire les liens actuels entre aussi le côté de l'évolution de notre société, le rapport qu'on peut avoir aussi de consommation du sport et du sport spectacle. Donc bien sûr ça fait pas le tour de tout le débat, mais ça permet aussi de relever des aspects assez intéressants là-dessus. Ouais, juste pour conclure sur ce que t'as dit par rapport au vélo, du coup au moins on tape beaucoup sur le vélo parce qu'on dit ils sont tous dopés machin, mais eux au moins ils font le job par rapport à ça. Et si je peux me permettre de faire une petite ouverture, faut pas non plus oublier qu'on a, parce qu'on en a pas parlé, mais que le dopage tue. Que voilà, ah oui, des sportifs, ouais, des sportifs soit meurent, soit font des graves accidents par rapport au dopage. On peut pour le vélo, on peut penser à Tom Simpson notamment, qui est très connu. Et voilà, au même. Ou au rugby, je pense après la Coupe du Monde 95, certains qui sont morts ensuite à même pas 40 ou 45 ans de maladies rares qui sont bien sûr dues aux produits. Donc effectivement, faire attention à tout ça. Ouais, c'est vrai. Les gars, je vais prendre sur le quiz. Je suis désolé parce que là, on n'aura plus de temps et il faut faire notre deuxième pause musicale, sinon les gens ils vont. C'est à cause de toi. Les oreilles qui saignent. Deuxième pause musicale. C'est intéressant. C'est Muse Starlight. Ah, c'est notre style. Sur Sport & Chill, c'était News et le titre Starlight. On passe tout de suite, sans plus tarder, au jingle, le quiz. Sport & Chill, le quiz. On va pas tarder, première question, Dakar. Alors, rapidité, rapidité. quelle est la particularité de la victoire de Carlos Sainz sur cette édition? Il a gagné le Dakar et la WRC? Non. Ah, sur cette édition juste? Sur cette édition. Sur cette édition. C'est un record. Record de vitesse? C'est le nombre de spéciales gagnées. Une heure de... Non, ça c'est déjà arrivé. Et en plus, c'est 45 minutes. Deuxième. Non. Le nombre de spéciales remportées? Non. L'âge? Oui. Ah, allez, je te donne, ouais, donne le point. Je vais... J'ai oublié d'écrire le nom comme d'habitude. Donc, Sainz est devenu le vainqueur auto le plus âgé de l'histoire de l'épreuve avec, à 55 ans et 284 jours. 55 ans, c'est Guillaume Gagne. Ouais, c'est mauvais signe. Quand je démarre comme ça, c'est pas bon signe. Donc, dire que c'est mauvais en face. Guillaume, Vincent, Yacine, Thibaut et Romain. On peut arrêter le quiz là, on a plus de temps là. Tu m'as dit qu'on a du retard. On arrête là. Qui a dit? On était dans une confrontation. Rapidité, hein. On était dans une confrontation directe et dans ce genre de match, c'est l'équipe qui en veut le plus qui l'emporte. L'adversaire en voulait plus et je suis en colère. Il y a certains qui vont regarder les prochains matchs depuis les tribunes ou de chez eux. Emery. Viendront avec moi ceux qui ont une grande détermination. La marge de manœuvre est réduite. Il y en a une, mais je vais m'y engouffrer. Galtier. Christophe Galtier, entraîneur du LOSC après la défaite contre Hervé. 1-0. Bon, on arrête là. Là, on arrête. Il est 43 là. C'est bon, je suis tranquille. C'est la première fois que je gagne 2 points d'avance. Football encore. Rapidité. Nabil Fekir est actuellement en première place d'un classement cette année. Buteur français. Non. C'est le meilleur passeur français. Non. Le rapport but passe ici. C'est un classement qui a lieu dans les 5 grands français Europe. C'est le meilleur buteur des Français en Europe. C'est par rapport à but passe décisive. Oui, c'est non, ce que j'ai dit, au cumulé. Les meilleures stats des Français en Europe? Non. C'est un rapport avec les buts, en effet. Mais c'est le nombre de buts français en Europe. Le nombre de buts sur coup franc. De quoi? Nombre de buts sur coup franc. Nombre de buts sur coup franc. C'est le plus grand en Europe. D'ailleurs, j'ai oublié de dire, mais... Non, ouais. C'est le joueur en Europe qui a le plus fort pourcentage de contribution des buts de son équipe. Mais c'est pas le... C'est pas le bleu qui a le plus de buts. Je passe, il est le meilleur buteur à domicile. Ah oh, putain, okay. Avec 12 buts en Ligue 1 au Parc OL, il est le meilleur buteur des 5 grands championnats. Ah, 12 buts au Parc OL, c'est pas mal. 12 sur, qui, sur 15. Qui a dit, rapidité, je suis content, je sens que j'avance. Avant cet Euro, je n'avais pas été titulaire que 3 fois en équipe de France. C'est nouveau, la pression des médias, les supporters, des attentes des partenaires. Gérard. Vincent Gérard, tout cela se gagne sur la durée, qui prend donc parfaitement la place de Thierry Meyer dans les buts de l'équipe de France. Vincent Gérard. Lui contre la vous voulez mettre Yacine et Vincent ensemble, mais hors de question. Un coup, je le fais pas. Pourtant, ils s'aiment bien les deux. Tennis, donc là, c'est tour de table, mais une réponse. Non, une réponse par tour de table. Ceux qui a perdu, ça va être une très longue question celle-ci. J'espère. Depuis l'ère Open, année 1969, les États-Unis avec 14 titres remportent le plus largement de titres dans ce classement. Dites-moi tous les vainqueurs depuis cette date. Depuis la date, depuis 1969, tous les vainqueurs de l'Australian Open. Ah, de l'Australian Open. On va faire un tour de table. Vincent, tu commences. Roger Federer. Roger Merci Federer. De me laisser. Ouais, pour une fois, je suis en dernier. Yacine. Djoko 2008. Djoko, Federer, c'est fait. Federer 5 fois, Djokovic 6 fois, Rafael Nadal 1 fois. Attendez. Romain. Panique à bord. J'ai une hésitation si c'est bien celui-là. Marin Cilic. Non. C'est pas éliminé. C'est lequel? US Open 2014. Éliminé. Je crois que c'était Open d'Australie. Ah, Guillaume. Ouais. J'en ai un. Attends, y'a qui? Y'a Federer, Nadal, Djoko que j'ai cité. Ouais. Allez. C'est rapide, hein. Sinon j'élimine. Intéressant. Si tout le monde est d'accord, on peut refaire revenir Romain, mais moi... Moi, j'ai tenté un Agassi. J'irai pas beaucoup plus loin. Agassi, 4 fois. Ouais. Merde. Vincent. Pas de risque. Allez, on va dire en 2005, Marat Safin. Marat Safin. Une fois. Yoït. Non. Il a jamais gagné. Ah, éliminé. Pete Sampras. Pete Sampras, en effet, une fois. Deux fois. Une fois. Pete Sampras. Bon, il y aura un débat entre vous plus tard. C'est à moi? Vérifie. C'est à moi? Oui, c'est à toi. Je suis sorti. Il peut revenir, Romain, moi je suis d'accord. Moi j'en fous. J'ai un doute. Si tu me cites quelqu'un des années 70-80, je te le laisse revenir. Voilà, faut que je réfléchisse. Désolé. C'est trop long. Allez, Borg? Non. Bien de Borg, non. Trop loin. Oh, c'est dur. Vincent. Allez, je vous en sortir un beau. Thomas Johansson. Toi, ouais, Swanson, Suède. Il reste qui? Del Potro? Non. Non. Bah, c'est Vincent qui a gagné, puisque ouais, tout le monde personne. Il y en avait des. Je pense Vavrinka. Ah oui, Vavrinka. Ah oui, Vavrinka. Vavrinka dans les récents. Vavrinka. Donc, les États-Unis. S'il vous plaît, les gars. Pardon. Les États-Unis, Arthur Ashe, Jimmy Connors, Ross Cotaners, Johan Krieg, qui est fait sud-africain et aussi américain, Vitas Garulaitis, Brian Teacher, Jim Courier. En Australie, Rod Laver. Ken Rosewall, John Newcomb, Mark Edmondson, donc en Suisse, Stan Wawrinka en plus. Hein. En Suède, Wilanders et Edberg. Wilanders trois fois, Edberg deux fois. En République tchèque ou Tchécoslovaquie, Ivan Lendl deux fois. Petko Korda une fois. En Russie, Yevgeny Kalfenikov, en plus de Marat Savin que t'as dit. En Allemagne, Boris Becker deux fois. Et en Argentine, Guillermo Vilas deux fois. Pas de français ? Ah non, bizarre. Je suis désolé. Donc si je peux me permettre pour Pete Sampras, il gagne 7 Wimbledon, 5 US Open, il me semble les 2 Open d'Australie, il arrive à 14. Quand je gagne, pas trop mal quand même, voilà. Tu as vérifié ? J'en suis quasiment sûr. Ouais, bon. Votre débat tous les deux autour d'un verre là après. Rapidité, un tongien, Pita Tafotutua. Qui a 34 ans, je bah, connais, tu le dis de suite si t'as l'avance. Mais il va participer à la fois au JO de Rio et au JO d'hiver. Et je peux dire même les disciplines si vous voulez. Vas-y, je t'en prie. C'était au JO de Rio, c'était le porte-drapeau d'ailleurs des Tonga, il avait fait le buzz. On avait fait le buzz pour revenir dans le tennis là. Plutôt beau mec, de ce qu'il se dit. Ah. Ça m'intéresse pas, mais ça m'intéresse d'autres. En taekwondo, du coup, au JO d'été, et en ski de fond. Après, incroyable, parce qu'en plus pour les Tonga, pour les JO de Pyongyang. Ouais, et ils s'entraînaient sur des skis à roulettes. Les gars. Ouais, c'est ça. Et donc, c'était une de ses premières compétitions, ne serait-ce que pour se qualifier. Donc, c'est vraiment une histoire incroyable. Pourquoi il fait ça, mais je crois sur les skis. On va faire un petit débat ski encore, si vous voulez, les gars. Ouais, c'était intéressant. Exactement. On va continuer sur les JO, justement. Rapidité, rappelez-moi qui étaient les deux autres villes candidates. Los Angeles. Annecy pour Vincent, il y a un autre. Los Angeles. Munich. Ouais. Attends, mais quoi, c'est... Il y a 6 points, Vincent. Les deux autres. Ah, d'hiver. Bah oui. Je suis con. Encore JO. Un équipage jamaïcain féminin a validé sa participation au jeu de Pyeongchang. Vous vous en rappelez donc cette participation des Jamaïcains masculins, donc les Rasta Rockets. Rasta Rockets. Rapidité. En quelle année ? 88. 88, ouais, c'est Calgary. Ouais. 12, non ? 88, Calgary. C'est Vincent, mais je voulais rajouter un point pour le Calgary. Donc je te donne le point aussi, Romy. Ouais. Yacine a fait 80 et je l'ai pas. Ça y est, je suis avant-dernier. En 3 questions, je suis redevenu avant-dernier. À ma position initiale. Calgary. Et pas Calgary. Hein, je suis plus rassuré là. Ouais, c'est autre chose. Qui suis-je ? Né le 1er décembre 1970 à Abbeville. Je suis pourtant formé dans le sud de la France en tant que milieu de terrain. Je remporte le titre de champion de France la même année que mon pays est champion du monde. Je ne suis cependant jamais sélectionné avec mon pays. En 1999, je gagne également la Coupe de la Ligue. D'ailleurs, ce sont mes seuls titres de ma carrière. Je pars faire une très rapide pige en Angleterre en 2002 à Middlesbrough pour seulement 4 matchs. Je reviens en France par la suite où je reste dans le nord à Amiens puis à Abbeville pour finir ma carrière de joueur. Ce qui ne manque pas d'ironie puisque mon premier but en Ligue 1 date de 1987 où je marque avec mon club formateur Toulouse face à au club qui m'a tout donné, le RC Lens. Je reste dans la capitale occitane pour devenir entraîneur adjoint du TFC avec Dominique Arribagé puis Pascal Duprat, ce dernier limogé aujourd'hui même. C'est moi qui prends sa succession en tant qu'intérimaire. Ah ouais, comment surnommé Mika, je suis Mickaël Debève. Putain, bien joué. Qui a pris la succession de Duprat aujourd'hui. Point pour Yacine. Thibaut un peu en dedans complet. Ouais, dur. Pour une fois, je suis pas d'accord. Tu veux un point ? On va faire question NBA. Ah, c'est gentil. Quoi. C'est gentil. Golden State, rapidité. J'allais dire Anthony Davis, direct. S'est incliné face à Houston ce week-end. Les Warriors étaient en lice pour battre le record des Lakers de 1974-1975 avec le nombre de victoires consécutives à l'extérieur. Mm-hmm. On va faire un tour de table, tiens, d'ailleurs. À combien de matchs est le record des Lakers ? Donc, c'est-à-dire le nombre de victoires consécutives à l'extérieur en NBA. Allez, Guillaume. Nombre de victoires extérieures. Consécutives. Ouais, consécutives en plus. Dépêche-toi. Allez, Guillaume, s'il te plaît. Allez, je vais dire 32. 32. 28. 28. 27. 27. 26. 26. 38. 26, puisque c'était très loin, c'était seulement 16. Ouais, putain, je sais pas pourquoi je suis ici. Victoire consécutive. On sait plus que ça. Ouais. Ouais. Point pour Vincent. En fait, je suis désolé, mais je gagne toujours le quiz avec la chance, moi. C'est incroyable. Ouais, t'as puis après, il dit au début, oh, je suis pas en forme. C'est l'outsider, hein, c'est un Galtier. La force est de la chance, ouais. Mais... Qui a dit rapidité? Autant la semaine dernière, on pouvait avoir des regrets, de la, la frustration ou un peu de colère. Autant aujourd'hui. C'est moi. Autant aujourd'hui, donc c'était samedi, je crois. Je crois qu'on est peut-être tombé sur la meilleure équipe d'Europe actuellement. Verne-Cotter, ouais. Presque. Jean Soudravo? Presque. Louis Picamol. Louis Picamol. Gassé. Chercher un capitaine. Romain, donc Louis Picamol qui a dit ça après la défaite de Montpellier face au Leinster. Qui suis-je? Là, ça va être plus rapide, très très rapide, c'est des clubs hein, seulement. J'ai joué au Havre, Chelsea, Arsenal, Portsmouth, Real Madrid. Las Diarra. Las Diarra, les deux, Thibaut et Yacine, un point. Andy Makashkala, Lokomotiv Moscou. Et je suis où là? Je suis arrivé où? Al Jazeera, Olympique de Marseille évidemment, et Al Jazeera Club, et donc et peut-être le Paris Saint-Germain. Yacine et Thibaut. And, une seule réponse est autorisée seulement. Rapidité, mais une seule réponse. Actuellement, la 13e édition des championnats d'Europe de handball en Croatie, quel est le pays le plus titré dans cette compétition? La Suède. Ouais. La Suède. Ah mais c'était pas un tour... J'ai dit rapidité, mais une seule réponse, c'est-à-dire que si vous vous trompez, c'était... Ouais, c'était fini. Dernier, NBA. Ah. Mais tu pas tout. Rapidité. Tony Parker rejoint lui un club très fermé également de joueurs à avoir marqué son 500e panier à 3 points. Mm-hmm. Il a dépassé donc ce week-end. Qui sont les 3 autres basketteurs à avoir réussi cet exploit? Stephen Curry. Chamberlain? Non. Non. Mais Curry, non? Curry, il l'a pas fait? Ray Allen? Bien sûr. Abdul Jabbar? Non. C'était écrit sur Eurosport donc. Reggie Miller? Non. Kobe, non. C'est quoi, c'est 500 paniers à 3 points? Bah, je crois que c'est 500 paniers à 3 points, je vais essayer de vérifier, mais oui, c'était ça, je crois. Ray Allen et Stephen Curry, il est pas fait, ça me surprend quand ouais, même. Ouais, c'est ça. Enfin, ceux-là, c'était les deux inspirés que j'avais en premier. Joachim Noah. Ouais, ça. Ça, c'est peut-être à NBA, tout qui est. J'ai dû me tromper, je pense, parce que. Ouais, ça me paraît bizarre. Ouais. C'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être à 2 points si je me trompe. Peut-être un français, tu parles? Non, non, non, c'est pas des français, non, ça, je suis sûr. C'est qui les réponses que t'avais? Ouais, parce que là, ça me. C'est la dernière question ou pas? S'il n'y a pas les deux, il faudrait qu'on trouve quelque chose quand même là. S'il n'y a pas les deux, s'il n'y a pas Curie et Allen, c'est vraiment bizarre. Hein. Non, ouais, c'est. Parce qu'à 3 points, j'ai dû me tromper. Est-ce que si c'est à 2 points, peut-être vous avez des réponses? À 2 points, il y en a tellement. À 2 points, c'est possible. Ça va être 3 points. Sinon, c'est une partie des joueurs. Est-ce que c'est possible que LeBron James y soit? Ouais, c'est possible. LeBron James y est, Gary Payton et John Stockton. Ah oui, il doit y avoir un rapport avec les passes. À mon avis, il doit y avoir un rapport avec les passes. Parce que Curry, je sais qu'il a battu des records. À vérifier également, mais. Pas très net cette stat. Hein. Ouais, Ray Allen est quand même plus réputé à 3 points que LeBron ou les. Très bien, on va enchaîner À moins qu'on se retrouve encore. Sur l'agenda. Possible. Hein. En football, mardi, Coupe de France, 16ème de finale. Entre. C'est qui a gagné du coup? T'as pas donné les points, juste. Ah oui, c'est. Moi, je sais que je me suis éteint parce que j'ai donné les points. Vincent qui gagne avec 6 points. Romain, 3. Yacine, 3. Thibaut, 1. Guillaume, 2. Voilà. Ouais, je suis arrêté aux deux premiers, quoi. C'est bien. C'est un petit podium pour le retour. C'est honorable. Football, donc mardi, Coupe de France, 16ème de finale. Il y aura entre autres Nantes-Auxerre ou Épinal-Marseille. Copa del Rey, quart de finale. Match retour, Séville-Atlético. Il y avait eu 2-1 pour Séville à l'aller. Mercredi, Coupe de France, toujours. MHSC Lorient, PSG Guingamp, 3 Saint-Etienne ou encore Monaco, Olympique Lyonnais. Serie A, donc deux matchs de Serie A, donc championnat, avec notamment la Sampdoria contre la Roma. Il y a aussi League Cup, mercredi, demi-finale. Match retour entre Arsenal et Chelsea. Il y avait eu 0-0 à l'aller. Copa del Rey, toujours. Alavés-Valence, 2-1 pour Valence à l'aller. Real Madrid-Leganés, il y avait 1-0 pour Real Madrid à l'aller. Jeudi, Copa del Rey, le dernier match. Barcelone-Espagnol, l'Espagnol avait gagné contre Barcelone 1-0 à domicile. Et Coupe de France, Strasbourg-Lille, c'est le dernier match de Coupe de France. Ce week-end, à foot étranger, il n'y a qu'un match important pour moi, donc c'est Valence-Real Madrid, c'est samedi. Et en Ligue 1, il y a PSG-Montpellier, Bordeaux-Lyon ou encore OM-Monaco. Pas trop mal ça encore. En rugby, samedi, Toulon contre UBB, donc Bordeaux-Bègles, Lyon-Agen, La Rochelle-Brive, Stade Toulousain-Oyonnax et Castres-Racing Métro 92. Quant à dimanche, Stade Français-Pau et le choc Clermont-Montpellier. Au handball, Yacine, tu as... Bah, normalement, le dimanche, ça correspondra à la finale du championnat d'Europe. Si donc, t'as pas les matchs de... qui arrivent. Donc, un gros match qui arrive, c'est Allemagne-Espagne, oui. Et je crois qu'il y aura aussi un Suède-Norvège. Et donc, Croatie-France, a priori, tout cela se jouera mercredi. Donc, il restera les demi. Très et bien. La finale ensuite. Basket NBA. Mardi, j'ai un petit Cleveland Spurs. Et samedi, j'ai un petit Boston Warriors entre les deux leaders de la, des conférences. C'est Est pas et des West. Petits, ça, c'est même des gros. Oui, c'était Est-ce ironique. Qu'il y a quelque chose à rajouter Il y a un petit match un peu qui peut faire la hype avec Oklahoma City face à Philadelphie. Ouais, en autre, entre outsiders. Un match intéressant. Ok, en sport d'hiver, est-ce que tu as quelque chose, Romain? Ouais, j'ai quelque chose. Il n'y a plus de biathlon, donc. Il n'y a plus de biathlon. Alors, je ne vais pas citer toutes les dates qui sont prévues, même si je sais qu'il va y avoir des manches à Garmisch-Partenkirchen, donc ça c'est en Allemagne, et qu'ils termineront en Suède, à Stockholm, avant les JO. Je crois que la dernière, donc, c'est le 30 janvier, donc ce sera vraiment peu de temps avant les JO. Ils continuent quasiment jusqu'au bout. Mais surtout, demain, c'est le dernier slalom pré-Jeux Olympiques à Schladming, et ce sera en nocturne, ce qui est assez rare, parce que généralement les épreuves de ski sont plutôt même le matin ou début d'après-midi. Donc ça risque d'être un décor assez impressionnant, assez magique. Et puis ce sera le duel Henrik Christophersen, a priori de nouveau contre Marcel Hirscher, avec nos Français en embuscade. Donc à voir si Christophersen arrive vraiment à prendre la mesure d'Hirscher avant les JO, ou si Hirscher refait la loi juste avant justement les Jeux Olympiques de Pyeongchang. Ok. Toi, tu descends une piste bleue aussi ce week-end, non? Je descends pas que au des tennis, pistes bleues. Tu ouais. as les, au tennis, tu as les quarts, ou moi je les ai là. Ouais, j'ai les quarts féminins. Donc les quarts féminins, Alep face à Pliskova, Kerber face à Keys. Juste avant, ça va être les pronostics, donc notez bien ceux qui restent. Donc Alep, Pliskova, Carolina, Kerber face à Keys, Elise Mertens, Svitolina et Carla Suarez Navarro, Caroline Wozniacki. Et chez les garçons, donc demain, Nadal Cilic, ouais. Dimitrov Edmund. Et mercredi, Roger face à Berdych et Chung face à Sandgren. Exactement. C'est bon, je pense que j'ai tout dit. Les autres sports, peut-être à rajouter, si vous avez quelque chose à rajouter pour la fin. Non, rien du tout. Majeur en boxe, non. Ok, donc les pronostics, l'Australian Open, on en a parlé. On va commencer donc chez les hommes et les femmes. Vas-y, Guillaume, je t'en prie. Qu'est-ce que je dise le vainqueur, donc simplement. Bah oui, pas les demi-finalistes. Non. Allez, ouais, je vais essayer de changer. Même si je vois un des deux entre Roger et Nadal, allez, je vais mettre quand même une petite. Entre guillemets, une petite surprise, je dirais Cilic. Petite surprise, hein, entre les okay, deux, pour pas dire les deux gros, quoi. Et chez les filles, pardon. Fonctionne bien, mais il faudra sortir chez les filles. Chez les filles, c'est compliqué parce que le tableau est ouvert. Quand même, je vais quand même dire. Ouais, les filles, c'est bouillon. Allez, je vais dire. Désolé. Bah pour moi, ce sera assez classique, surtout au vu de la dynamique actuelle. Je dirais Roger Federer. Chez les messieurs, et chez les femmes pareil, je vois bien une petite tendance que Vincent risque de donner, c'est voir Caroline Wozniacki gagner son premier grand chelem à l'Open d'Australie. Je suis forcé à pas dire son jeu actuel. Ça me paraît possible, en tout cas. Vincent pareil, j'ai même pas Wozniacki, ouais. Thibaut, moi chez les hommes je vais dire Rafa Nadal. Allez, une petite finale face à Federer, ce serait beau, et qu'il l'emporte, un classique, ouais, ça serait beau. Ça serait moins beau du coup. Ouais. Ça, c'est un avis personnel. Personne pour Dimitrov. Ou... Et chez les femmes, ouais, chez les femmes, je vais dire Angélique Kerber, parce qu'elle est exceptionnelle depuis le début. Ouais, yeah, c'est possible. Que, je dis qu'elle va continuer. J'y pensais aussi. Yacine, bien possible. J'hésitais, je voulais faire avec Dimitrov, mais je vais dire finalement Roger. Hein. Et puis je restais sur Alep, voilà, donc je vais dire Simona Alep. C'est oui. original. Moi je vais innover, je vais mettre Dimitrov. Voilà, comme ça au moins il y a un choix varié, quoi. Mais c'est vrai qu'au fond tout le monde rêve de démarrer l'année avec un Nadal ou Roger, ça serait et tout simplement je vais mettre Wozniacki aussi pour les filles. Voilà. Impossible. Au classement d'ailleurs du pronostic, très content de mon week-end, parce que j'ai marqué un point pour Espagne-Danemark. Danemark a gagné. Ouais. Moi, PSG, j'étais le seul à prévoir la victoire de l'Olympique. J'étais pas loin, mais j'avais mis un partout, et puis Memphis m'a fait mentir. Au classement, Théo 8ème, Yacine, Dimitri et moi 6 points. 8ème. 8 points. Yacine, Dimitri et moi 6 points. Guillaume 4, les autres 3. Pas si mal, finalement. Son de la semaine pour terminer, il est 21h. Pas de pronos sur Monaco? Non, pas du tout. Pas du foot tout le temps, donc là, je fais uniquement tennis. Un partout. C'est déjà que Monaco a gagné. Son de la semaine. Si vous voulez gagner de l'argent. Il y a un an, jour pour. quasiment jour pour jour, on va dire, c'était la victoire de l'équipe de France au championnat du monde de handball. Déjà. Et donc la fin du match commenté par beIN Sport, on vous laisse écouter ça. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, lundi 19h-21h sur Radio Campus Montpellier. Salut à tous. Ciao les boules. Merci ciao, beaucoup. Ciao. Salut. Mesdames, messieurs, prosternez-vous, peuple de France, la plus grande équipe de tous les temps, triomphe après un match d'une intensité incroyable, un duel de titans, une domination au-delà de la raison, un dimanche pour l'éternité, une étoile de plus au firmament des Bleus, la constellation des experts brille à jamais dans le ciel de Paris. Le monde se prosterne une fois encore devant l'exploit colossal des Français, gigantesque, fort.